Eh bien, finalement, ça va être Bulle de rêve cette fois-ci. Alors, Bulle de rêve, c'est parti. J'ai cassé ton micro. Et voilà, c'est bien Bulle de rêve. C'est rare que j'utilise un générique deux fois de suite, mais le rire d'Emeline est tellement parfait. Et puis j'adore quand elle me dit à la fin, j'ai cassé ton micro. Elle est tellement contente. Voilà, donc c'est Emeline qui on a droit au générique de Bulle de rêve encore cette semaine. En effet, un Bulle de rêve qui arrive toujours comme d'habitude au dernier moment. Mais c'est normal, on était en terrasse, il fait beau. Et le temps, vous savez, de donner de l'argent pour payer, ils voulaient pas, ils étaient un peu... Donc voilà, désolé, mais c'est vrai qu'il fait tellement beau, c'est tellement agréable. Je dis ça alors que je reviens d'une semaine au Maroc pour un festival dont je vous parlerai en deuxième partie d'émission, qui est le FICAM. Je suis content d'être de retour, ça fait un bout de temps, avec l'agenda comme ça qui bouge, etc. Ça fait facilement plus d'un mois que j'avais pas d'émission, donc je suis ravi d'être là. On va parler de trois choses aujourd'hui. La première chose, si elle veut bien se mettre devant le micro, c'est juste pour faire un petit coucou, parce que voilà, ils ont commencé, c'est Sylvie Dimay. Bonjour Sylvie. Coucou, bonjour. Voilà, bonjour qui va nous parler. Donc Sylvie, vous la connaissez plus pour Croc-Anime, l'association, le festival qui est devenu Piaf, où elle m'a enrôlé de force dans le festival, sinon de toute façon c'était pas possible. Un gros boulet. Voilà. Et elle recommence quelque chose, on va dire, sur une autre formule. Il y avait quelque chose qui avait été lancé par Food Anime il y a quelques années, qui s'appelait les apéros animés, où les gens se retrouvent autour d'un verre, il y a quand même rien de plus agréable, pour discuter, voilà, d'animation. Et là, elle les relance, elle va nous expliquer un petit peu après comment, et voilà, avec, il y a déjà deux personnes de lundi qui sont passées. Trois maintenant. Ouf. Donc voilà, ça passe vite. Deuxième partie, on passera une longue interview d'une heure que j'ai eu la chance et le bien de faire à Anima avec et c'est là que j'oublie son prénom, je crois que c'est Juan Miguel Ribeiro, mais Ribeiro, ça j'en suis sûr, grand réalisateur portugais, assez passionnant, vraiment, que j'ai eu le plaisir d'avoir Anima. J'aime bien déjà son cinéma, mais notre discussion était intéressante. Vous allez voir, hein, des fois il y a un petit côté discussion, je parle même on parle de son dernier film, donc voilà, comme des fois je peux faire des interviews, c'est-à-dire plus en discussion que sous forme vraiment très formelle, on va dire, mais c'était assez intéressant. Et en troisième partie, je vous ferai allez, une improvisation d'un journal sur le FICAM, donc le festival au Maroc où j'ai été, et je vous ferai une espèce de petit journal comme ça, improvisé jour par jour, de comment ça s'est passé, ce qui s'est passé, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, enfin voilà, parce que c'est un beau festival, j'aime bien, et donc voilà. Voilà, ça fait une belle émission, hein, d'entrée, pour dire bravo au festival, pour dire qu'il faut soutenir les festivals. Ce sont des endroits où on voit les films sur grand écran, où on va dans des endroits pour discuter avec les gens. Il n'y a rien de plus important, et que même si on dit, oh là là, ça passe pas beaucoup la télé, les films d'animation, etc., l'important c'est de les voir aussi sur grand écran avec des gens. Et donc on fête ça aussi un petit peu aujourd'hui, avant peut-être de fêter la prochaine fois le festival de Bruck et le festival de l'AFCA qui sera en avril. J'avoue que j'ai pas la date en tête, donc voilà, mais c'est parti. Et pour débuter, on va écouter alors l'inverse de ce que je disais, puisque je disais qu'il fallait continuer, il fallait encore plus de festivals, de choses comme ça. Et là, on va écouter une chanson qui s'appelle Assez, donc un peu l'inverse de Nougaro, mais qui crie son ras-le-bol de toute, des animaux crient leur ras-le-bol de la connerie humaine. C'est plutôt un bon programme, donc voilà, on écoute ça et on revient juste après pour parler de tout ce gros programme. À tout de suite. Il serait temps que l'homme s'aime, depuis qu'il sème son malheur. Il serait temps que l'homme s'aime, il serait temps, il serait l'heure. Il serait temps que l'homme meure, avec un matin dans le cœur. Il serait temps que l'homme pleure le diamant des jours meilleurs. Assez, assez, l'homme règne sur le grand vitrail de son front. Depuis les siècles noirs qu'il saigne dans les barbelés de ses fronts, il serait temps que l'homme arrive sans l'ombre avec lui de la peur, et dans sa bouche la salive de son appétit de terreur. S'aime, c'est peu dire, mais c'est là mon pauvre labeur. Je le dis à vos poils à frire, moi le petit soldat de beurre. Que l'homme s'aime, c'est ne dire qu'une parole rebattue, et sur ma dérisoire lyre, voyez déjà, elle s'est tue. Mais voici que dans le silence s'élève encore l'immense cri. Délivrez-vous de vos démences, crie l'éléphant, crie le cri-cri, crie le sel, le cristal, le riz, crie les forêts, le colibri, les clématites et les pensées, le chien jeté dans le fossé. Donc bienvenue sur Radio Libertaire, qui reste une radio, malgré peut-être que certains d'entre vous vous voyez en ce moment même sur ce truc. Voilà. Mais Bulle de rêve, ça trouble un peu, hein, parce que normalement c'est ça qui est bien à la radio, c'est qu'on n'est pas filmé, donc on peut faire ce qu'on veut, on peut, c'est plutôt agréable. Bulle de rêve, bien sûr, sur Radio Libertaire 89.4, et bien sûr sur Internet. Est-ce que ça fait longtemps que je l'ai pas dit, mais heureusement, bien sûr, sur la radio, la seule radio qui me permet de parler pendant 2 heures tous les mois de cinéma d'animation. Il y a quelques années, j'avais dit, hein, je répéterai à longueur de temps la seule radio qui me permet ça, tant que les autres ne l'auront pas fait. J'ai arrêté parce que comme les autres ne le feront jamais, je me dis que voilà, ça va me prendre un petit peu trop de souffle pour le faire. Je reçois celle qui filme en ce moment même dans le studio, qui va devoir ou s'arrêter ou voilà se filmer elle-même. Sylvie Dimet pour les apéros de la Nîmes. Sylvie, est-ce que tu peux nous parler, déjà nous dire dans quel lieu, parce que donc c'est tous les mois, c'est ça, tous les lundis? Alors les troisièmes lundis de chaque mois, au café Lou Pascalou, qui se trouve au 14 rue des Panoyaux dans le 20e. C'est exactement au métro Ménilmontant, c'est vraiment à 2 pas du métro, donc ça c'est bien, parce que comme ça on n'a pas beaucoup à marcher. Il n'y a pas d'excuse de dire « Ah, j'ai pas trouvé ». Donc chaque mois, on a on invite tout le monde à venir avec des animes, montrer au public pour avoir un échange justement, avoir la vie. Et puis ce sont des rencontres, c'est de savoir, il y a des jeunes qui ont déjà aussi même rencontré des boîtes de prod et qui vont peut-être travailler ensemble, je ne sais pas. Mais c'est voilà, ce sont des lundis de rencontres, de voir des animes, donc apportez vos animes. Depuis qu'on a commencé en janvier, mais on a commencé avec toi Alexis, donc c'était génial. Le mois de février, bien, il y a eu beaucoup de monde et les gens ont apporté leur anime. Donc il y avait de quoi faire. Et puis là, tout donc récemment, c'était justement le festival de Bruges, c'était Auch, voilà, c'était, pardon, avec l'AFCA qui présentait, qui était donc invité. Et puis lundi du mois d'avril, alors ça tombe sur le week-end de Pâques. Mmh. Alors bon, tout le monde ne part pas en week-end, hein, mais par contre, on a maintenu ce lundi. Et qui dit Pâques dit chocolat. Donc on m'avait posé la question, on amène du chocolat? Oui, apportez vos animes et du chocolat. Donc l'idée c'est de faire quelque chose d'à la fois de convivial. Oui. Hein, c'est ça, c'est d'amener, mais pas forcément qu'ils puissent même être, pourquoi pas, ouverts aux gens, justement, à la différence, puisqu'on parlait des apéros animés, à la différence, c'était quand même pas mal les gens, justement, de Food Anime qui avaient créé ça pour enlever la virtualité, on va dire, d'Internet et trouver un endroit. Là, c'est plutôt l'idée de se dire, ben, encore plus, si vous connaissez pas l'animation, n'hésitez pas à venir pour découvrir un petit peu les choses, quoi. Voilà. Et, alors, notamment, on essaye d'inviter de temps en temps des personnes. Et puis, le 17 avril, ce sera Shaoui. S-H-A-W-Y, pour ceux qui le connaissent pas, qui est rentré de New York il n'y a pas très longtemps, qui a fait justement un stage avec Bill Clinton. Et voilà, c'était un jeune qui a fait des études notamment en Californie, à Londres, je veux dire n'importe quoi, qui sort d'ailleurs, qui a fait une école de, qui a fait pendant 5 ans, qui a été ébéniste, hein, qui a fait des études et qui s'est mis après à l'animation. Voilà, et il a super coup de crayon et c'est génial. Donc ça veut dire encore une fois c'est important, donc il y a une première partie, des fois il peut être, alors moi j'avais fait beaucoup trop long, mais sinon il y a une première partie avec une personne qui parle un peu de son travail, et une seconde partie où justement les gens peuvent montrer des choses, peuvent discuter ensemble, voire même avec la personne qui est là lui dire bah tiens j'aimerais te montrer ça. Il y a un écran géant, mais on peut amener son ordinateur. Il y en avait quand j'y suis allé, où les gens d'un seul coup se disent bah tiens j'aimerais te montrer ça, etc. Absolument. Et voilà. Et le comment dire, alors là il y avait l'AFCA, mais sinon on a vu quand même une heure et demie de film, mais en février, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de films qui avaient apporté justement ces réals, et je trouve ça génial. Donc c'est vraiment un lieu de rencontre. Alors aussi, hein, pour ceux qui rêvent soif, on peut boire, et notamment il y a aussi, je le dis parce que c'est quand même, on nous reçoit, on nous accueille dans ce café, mais il y a aussi les gens peuvent boire sur place et avoir un plateau aussi de, je sais plus quoi, de charcuterie. Voilà. Oui, enfin c'est un bar convivial, il faut pas le hésiter. Dire, voilà, parce que c'est vrai que ça fait partie du jeu également. Donc les prochaines dates que tu peux nous dire? Alors c'est le 17 avril avec, comme je le disais, avec Shaoui. Ensuite ça va passer au 15 mai. Ensuite au 19 juin et ensuite le 17 juillet. Voilà. D'accord. Et je pense que au mois d'août on va faire relâche, puisqu'après il y a le festival Piaf. Voilà. D'accord. Donc ça c'est vrai. On va pas trop parler, mais on va parler un peu du Piaf quand même. Oui. Absolument. C'est très, très perturbant d'être filmé comme ça. Je suis pas. Voilà, c'était juste. J'ai juste filmé, mais je vais arrêter, Alexis. Hein, je préviens parce que je vois qu'il y a des gens qui regardent. J'ai simplement. Désolé, c'est juste. Commencer pour que les gens puissent aller sur 89.4 Radio Libertaire et nous écouter en direct. Ou sinon, vous tapez sur Internet Radio Libertaire. Voilà, vous avez, et les deux sont Radio possibles. Libertaire voilà. Sur Internet et ça va. Je vous promets que juste, c'est sympa l'image, mais le son uniquement, c'est très, très bien aussi. En plus, regardez, dès qu'elle va tourner la caméra, je vais pouvoir parler plus doucement comme ça et elle va me voir beaucoup plus suave. Ça fonctionne micros, pas avec l'image, alors que sans l'image, on peut dire waouh, on peut fantasmer sur qui est derrière. Alors que là, voilà. Voilà, donc tapez vite 89.4. Parce que c'est important, le salon de Livre Libertaire du 22 au 23 avril. Voilà. Voilà. Allez, on continue, mais sans film. Ça fait un peu de pub comme ça. Ok. Parlons un peu du Piaf très rapidement. On va pas. Je t'ai dit de venir. On va en parler juste 5 minutes. Il y a plein de choses possibles pour le Piaf pour cette 10e édition de Croque Anime, donc devenu Piaf. Je sais pas ce qu'on peut dire parce qu'on peut pas dire grand chose. La seule chose, c'est qu'on a voulu une édition à la hauteur de ces 10 ans et à la hauteur de Paris, à la hauteur du cinéma d'animation, à la hauteur d'un festival qui se veut, qui tente en tout cas de prendre une partie, enfin qui tente de prendre sa place tout simplement dans une vision du, enfin voilà, dans le cadre de festival. Je sais que soi-disant il y en a beaucoup et à la fois il y en a peu sur l'animation. Encore une fois, à Paris, réellement uniquement consacré à l'animation, il y a le Piaf et le carrefour de l'animation. Et pardon, j'oublie, mais c'est vrai que à chaque fois et j'en suis désolé, le festival de films étudiants dont j'oublie le nom juste maintenant, qui a lieu en décembre ou en novembre. Non, je suis absolument désolé parce que c'est un festival voilà qui essaye, et je me ferai volontiers leur porte-parole, hein, ce que je dis à longueur de temps, il nous faut plein de festivals et de festivals d'animation pour que les gens le voient. Je ne suis pas pour un seul festival prédominant, mais pour plein de festivals, et je pense qu'on a des ambitions chacun, voilà, complètement différents en plus, par rapport au carrefour d'animation qui amène eux du long métrage, dont on n'en a pas. Nous, on amène une compétition, eux n'en ont pas. L'autre festival, dont je suis désolé, j'oublie le nom actuellement. Cinéfac, c'est pas ça. Non, ça fait beaucoup plus anime. Il y a la Tour Eiffel dessus, enfin voilà, Paris. Pananime. Eux ne font que du cinéma d'étudiants et ils s'ouvrent un peu au monde entier. Donc voilà, tout ça est obligatoire et important pour qu'on fasse reconnaître ce cinéma d'animation qu'on aime. Vous connaissez mon discours, mais voilà, j'y tiens par rapport à ça. 10e anniversaire qui se situerait sur 6 jours. Ah oui, même 7, c'est du 20 au 26. Donc c'est 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ça fait voilà. 7 jours. Donc c'est du mercredi au mardi. Mercredi 20 au mardi 26. Au mardi 26. Septembre. Voilà, et avec des très belles choses en prévision. On ne peut malheureusement pas vous dire pour l'instant parce qu'il n'y a pas de choses qui sont toujours, évidemment, 8 mois avant un festival. La sélection a commencé, n'hésitez pas à nous envoyer vos films. Vous regardez pour l'instant sur le site toujours Croque-Anime. Ah voilà, vous tombez parce que le site Piaf, c'est toujours un peu compliqué, évidemment. Plein de possibilités, plein de gens, plein d'envie, des gens qui viennent du monde entier. Évidemment, la problématique, vous le savez, on le redira jamais assez, tout le monde le sait, c'est l'argent. Évidemment, c'est terrible. Nous, on n'est pas payés. On fait ça avec grand plaisir. On aimerait bien un jour arriver à se payer, mais on fait ça aussi montrer ça, montrer les films. Et l'idée, évidemment, est d'amener des gens qu'il faut payer. Parce que d'un seul coup, on va faire venir un réalisateur, on va faire venir des gens du monde entier. Voilà, on les paye même pas eux, il faut leur payer au moins l'hôtel. Trajet, l'hôtel. Non, on a besoin d'argent. Donc voilà. Donc on le dit comme ça, c'est parce qu'on en a discuté un petit peu. C'est pas du tout. Je sais bien que c'est pas à vous. En plus de ça, bon, on a quand même un festival. Excuse-moi, Alexis. C'est quand même un festival qui est gratuit, ça faut pas aussi l'oublier. Alors, il est gratuit pourquoi ? Pour faire connaître justement ce qu'est le film d'animation, mais en même temps, il y a quand même des dépenses. Oui. Si c'est gratuit pour le public, malgré tout, les dépenses sont bien là derrière. Et puis souvent, quand on me dit mais pourquoi pas le faire payant, soyons clairs, je veux dire, c'est pour l'instant, avec le cadre du festival, ce que les gens paieraient, sachant qu'évidemment une moitié ne viendrait pas, peut-être, on pourrait l'imaginer parce que ça devient payant, et ce côté juste de dire tiens, on rentre dans la salle et on voit ce que ça donne, même si une petite partie payait. Bon, ça nous ferait pas non plus énormément. C'est pas ça qui nous permettrait d'avoir. Donc voilà. Donc, l'idée, c'est de lancer aussi, si jamais vous avez des sponsors privés, de gens qui seraient intéressés, l'idée, évidemment, vous en doutez, je ne travaille pas à Radio Libertaire depuis un bout de temps, je n'ai aucune envie d'avoir Louis Vuitton et LVMH ou des choses comme ça. Ça ne m'intéresse pas. J'aimerais avoir des vraies personnes qui sont intéressées par ce genre d'événement. Voilà. Si jamais vous avez une idée, vous envoyez à, c'est quoi déjà le mail d'inscription, mais qu'on peut utiliser quand même. C'est inscription. C'est Piaf. Alors, tous les deux, on est un peu honteux parce qu'on ne trouve pas. J'en profite pour dire que pourquoi il est gratuit ? Parce que la culture devrait être gratuite. Voilà, c'est pour moi c'est important. Ça fait grandir les personnes, avoir d'autres idées, voir le monde différemment. Et mais par contre, les personnes qui viennent peuvent pas tous venir non plus à la demande. Quand on habite à Londres, quand on habite à New York, quand on habite, puis ne serait-ce que même en France, il faut quand même venir avec le train, avec ou l'avion, et tout ça, ça a un coût. Donc oui, le festival restera gratuit, mais voilà. Ce qui est important aussi, c'est que je le répète, ce festival il a été fait pour justement faire connaître le film d'animation. Mais faire connaître le film d'animation, c'est aussi faire connaître les réalisateurs, c'est faire connaître aussi ces nouveaux talents. Et donc il faut absolument que les gens aussi, le monde de l'anime, soient présents. Et peut-être aussi beaucoup d'étudiants qui ne le sont pas, et ça je le déplore. Et puis en plus, c'est voir des animes, et c'est aussi rencontrer du monde. Et rencontrer du monde, pour les rencontrer, il faut venir. Voilà, donc, voilà. On espère en tout cas pouvoir vous refaire une émission en vous parlant du PIAF, bien sûr, de septembre prochain. En attendant, on écoute, donc on part, on vous donnera l'adresse tout à l'heure. Désolé, là, je ne l'ai pas. Oui, je sais. Ah, vous arrêtez un peu de m'embêter comme ça. Non, vous inquiétez pas, je vous donne. On va vous laisser en bonne main avec un très très bon trio dont je vous ai très très peu parlé jusqu'à présent sur ces ondes. Un trio qui s'appelle The Three Blind Mice avec un certain Félix Huneau au banjo. Oui, je sais que je vous embête avec mon frère, mais c'est quand même bien. Moi, j'aime bien. Elle est joyeuse comme musique. C'est plutôt agréable et tout. Donc voilà. Non, je suis bête. C'est Sylvie qui me fait perdre complètement. Excuse-moi, Nicolas. On enchaîne de suite, bien sûr, sur Ribeiro. Et ce qu'on fera, comme je l'ai annoncé, on enchaînera Ribeiro, en fait, et Maple Leaf Rugs, qui doit être le 3 et le 4, normalement, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est ça? Oui. Fais-moi signe que c'est bien ça. Ce qui doit nous faire aux alentours d'une vingtaine de minutes. Quelque chose comme ça. Allez, voilà, on reprend nos esprits, on retrouve l'adresse, on vous souhaite une bonne écoute de Ribeiro, et on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cette interview, cet entretien. Si je dis pas de bêtises, tu as fait partie de l'échange qu'il y a eu entre le Portugal et la Bretagne à un moment donné. Est-ce que tu peux parler un petit peu de cette aventure, parce que c'était, assez étonnant. C'était une aventure assez marquante dans ma vie, et je crois dans la vie de tous ceux qui ont participé. En fait, c'était un stage franco-portugais, avec six français, où il y avait entre le portugais, moi, Virginie Epso, Pietro Strazini, qui est entré déjà au Portugal. Biffé Jean, c'était une des personnes qui organisait. Du côté français, il avait Jean-Pierre Lemoulin et il avait la Lasnec Bretagne. Le côté portugais, c'était Filmographe. Et sinon, Philippe Julien, Laurent Gourgiard, qui malheureusement était décédé. Mais voilà, en fait, toute une génération de Français et de Portugais qui continuent, quelques-unes, à faire son travail à l'animation. Qu'est-ce qui a été important à ce moment-là? Est-ce que tu connaissais déjà bien l'animation avant, ou est-ce que... J'avais la passion, j'avais des petites aventures avec Super 8, avec des amis, à faire la maison, voilà, la passion, elle était là. Mais je pensais qu'elle était très complexe. Et en fait, c'était un moment où il faudrait avoir des banques titres, il faudrait avoir de la pellicule, il faudrait aller en studio d'animation de son pour faire le son. Donc, la technologie, c'était quand même un obstacle assez compliqué. Et donc, ce que ce stage m'a donné, c'est l'accès à la création, avec le 35 mm, 16 mm, je sais pas, on a travaillé plusieurs choses. Et sinon, ça m'a aussi donné avec les professeurs qui sont venus à chaque semaine, ça changeait, donc on avait des intervenants vraiment avec des perspectives de l'animation complètement opposées. Des fois, c'était des gens qui habitaient à la campagne avec un groupe d'amis qui faisaient des séries d'animation pour son plaisir parce qu'ils croyaient dans une forme de vie. Il y avait d'autres qui travaillaient, je sais pas, dans une grande ville à Canada et qui faisaient des séries d'animation avec des entreprises qui commencent aujourd'hui à dire quel va être le succès, le thème du succès dans 2 années, dans une chose beaucoup plus industrielle. Donc là, tu as des références et après tu décides ce que tu veux faire dans ta vie. Donc, ça m'a ouvert le monde de l'animation et ça m'a donné la possibilité de faire mes choix et de connaître des gens que je garde jusqu'à ce moment en très grande proximité. Justement, quand on voit le film qu'on est sorti en 1995, je suis désolé pour mon accent terrible, hein, je ne ferai pas d'accent portugais, mais voilà. C'est ça. Quand on regarde ce film-là, c'est déjà du volume. Est-ce que le volume, il est arrivé à ce moment-là, la rencontre avec Philippe Julien, qu'on fait aussi des choses comme ça, ou est-ce que le volume était... c'était avant que tu rentres dans ce... En fait, je travaillais déjà en volume avec des petits quelque chose, des films pour la télé, pour Sesame Street, je ne sais pas si vous avez ça ici en France, mais c'était des exercices plus que vraiment des films. C'est vrai qu'avec Laurent Gorgia, surtout Laurent, il m'a Laurent, c'était une personne très pratique, très frontale, pas complexe, donc il trouvait toujours des solutions assez rapides pour faire des choses. Et avec lui, j'ai appris à trouver des solutions et j'ai découvert en fait le stop motion, c'est un peu bricolage et j'aime ça. À chaque fois, il faut inventer des solutions. Même si on a déjà fait 3 films, le 4e, il va être un peu différent des autres. Donc tout ce côté-là, très physique, très pratique et très positif, en fait, j'ai appris avec ce stage-là. Dans Ovos, c'est de la comédie. Ouais. On est sur de la comédie. Par contre, il y a quelque chose qui m'a étonné, parce qu'on va retrouver dans les films, dans beaucoup de films d'après, en tout cas en tout ce qui est en stop motion, volume, c'est le fait d'être dans un espace finalement clos et fermé. On a déjà ça, c'est la poêle, encore une fois, on est plus dans l'humour, mais qu'on va retrouver évidemment par la suite dans le train et dans la voiture. Ouais, c'est vrai. Il y a le plaisir de travailler dans ces... c'est moi qui le vois là en tant que critique, ou est-ce qu'il y a plaisir de... Tu sais, peut-être ça s'est lié avec ma vie. Tu sais, j'ai habité, mes parents ils sont à l'Alentejo, donc de l'intérieur du Portugal. Ils sont venus à Lisbonne, habiter à Lisbonne. On habitait dans une maison assez petite. Moi j'avais une chambre assez petite. Et j'ai toujours me senti confortable avec l'espace petit. Donc c'est quelque chose. Je ne me sens pas très confortable si l'espace est trop grand, mais si les petits, c'est quand même un espace personnel. Et je ne sais pas si c'est pour ça que je te réponds un peu sans trop réfléchir, mais c'est vrai qu'au niveau pratique, c'est vrai que quand tu fais un film stop motion dans un seul espace, ça veut dire un seul décor. Et ça veut dire peut-être 3 ou 4 personnages, pas tout le monde, pas des groupes et des immenses quantités de caractères. Et donc c'est aussi une idée de simplification pour faire, pour aller plus loin dans la caractérisation intérieure de chaque personnage. Est-ce qu'on peut pas dire juste, parce que encore une fois, Ovos est une comédie, hein, mais est-ce qu'on peut pas dire aussi que c'est qu'on est comme toujours dans ce genre de film, qu'on est dans un endroit clos comme ça, les relations, comme tu viens de le dire, entre les personnages, évidemment, prennent plus d'intensité. On trouve ça dans le train, on trouve ça évidemment dans ce spectacle, dans la voiture aussi. Ça pour moi, c'est très intéressant, parce qu'en fait, ce que j'ai découvert aussi, et tout le monde a déjà vécu ça, c'est dans des pays, par exemple, quand j'étais à Cap-Vert, dans des pays où les relations humaines sont peut-être moins complexes que dans les pays développés. Quelqu'un que ça soit à côté de toi, tu vas commencer une conversation. C'est pas qu'il a une intention, c'est qu'il a l'intention. Bon, il a une intention, c'est de connaître. Il n'a pas un autre caché, une autre intention. Et nous, occidentaux, je crois qu'on est dans un train et quelqu'un commence à parler avec nous, ou il y a une raison, ou sinon c'est déjà quelque chose un peu étrange. Et donc, je crois que l'espace espace fermé, ça va créer, même quand il y a le silence, c'est un silence déjà différent. Et donc, il y a toute cette tension de partage d'espace, de partage des odeurs, de partage des choses, des gens qui parlent un peu plus haut, des gens qui parlent très bas, des sons. Et ça influence notre vie. Et après, c'est très facile à faire évoluer un scénario avec des conditions comme ça. C'est très facile, mais je pense que c'est peut-être pour ça aussi, et plein d'autres choses, le succès d'Asuspeita, je pense. Mm-hmm. Et j'essaie de retrouver le nom qui était pour la sortie le dimanche. Comment c'était En portugais. En portugais. Passeio de Domingo. Merci beaucoup, ça sera tellement mieux dit que moi. Il y a aussi tout un travail de mise en scène, mm-hmm. très très précis, très fort. Aujourd'hui, on dit un peu bêtement, ça pourrait ressembler à de la prise de vue continue parce qu'il y a un vrai découpage. Ouais. C'est du cinéma avant tout. Ouais. Comment tu découpes ces films-là? Il y a un storyboard très précis. Comment ça se passe? En fait, voilà, la partie storyboard, c'est une partie très créative. Normalement, les choses sont déjà un peu décidées au niveau du storyboard, au niveau du rythme, au niveau du timing. Mais je laisse toujours un peu d'espace pour le tournage. Ça veut dire, il y a souvent des changements. Il y a des changements, des fois il y a des scènes qui disparaissent, des fois il y a des positions de caméra qui changent, des fois il y a des axes de placement de caméra qui changent aussi. Je m'aperçois pas au premier moment qu'il y avait un problème d'axe de caméra et je découvre 3 ou 4 mois après. Ce qui est bien dans l'animation, c'est que ce sont des films qui prennent beaucoup de temps pour faire. Donc on a toujours le temps de revenir, de regarder, aller un autre jour dans le studio. Donc c'est comme un fruit qui devient, je ne sais pas dire le mot en français, mais... Mûr. Qui devient mûr. L'animation, elle est une technique où le cinéma a le temps de grandir. Et ça, c'est une partie intéressante parce que ça, en même temps, c'est comme différentes couches qu'on va construire. On est en train de construire un film pour différentes couches à chaque fois. La dernière, c'est vraiment au final quand on décide le son, est-ce qu'on va mettre le son. Mais en fait, ce sont des couches. Comment je vais animer, quel est le timing de réaction de ce personnage, quel est le silence que je vais mettre dans cette scène-là ou pas. Et donc, c'est très naturel pour moi quand je fais un film de prendre des décisions dans des moments différents. Mais un film, pour moi, c'est pas jamais fermé. Ça veut dire, je pourrais pas faire ce que Hitchcock disait, quand je termine la préparation du film, je pourrais donner ça à quelqu'un pour... Non, je peux pas faire ça parce que le film, il continue à bouger. Pourtant, on se dit bien qu'en animation, il n'y a pas beaucoup d'improvisation, il n'y a pas la place. Voilà. Mais un peu un terroriste, là. En fait, comme je suis aussi producteur, j'essaie de trouver un équilibre, tu vois. Je peux pas tout faire, mais quand même, je peux faire. Tu continues ça, même dans des derniers films, où tu passes de la technique du volume, des marionnettes, et maintenant on est dans une autre technique, mm-hmm. plus dessin. Est-ce qu'il y a toujours cette part d'improvisation, ou elle devient plus difficile à avoir? Le dessin animé, c'est vrai que c'est plus compliqué l'improvisation que le stop motion, parce que dessin animé, en fait, on a un moment pour le layout, on a un moment pour l'animation, après que l'animation démarre, on a la peinture. Et on peut pas changer le timing, par exemple. On peut changer la couleur, on peut changer la texture, mais c'est un autre genre de... C'est pas la mise en scène, en fait, c'est plus la mise en couleur, la mise en contraste qu'on peut travailler petit à petit. Et donc là, c'est vrai que des fois, moi, José Miguel, le producteur, aime pas trop José Miguel, le réalisateur, parce qu'il, des fois, il détruit des plans, parce qu'en fait, il se rend compte que le plan, ça marche pas. Mais ça t'arrive de détruire des plans, de supprimer un plan qui a été fait, qui a été réalisé, Ah oui, des fois, ça... Pour le rythme, tu te dis, mais ça marche pas, je pensais que ça marchait, ça marche pas, et en fait... Des fois, c'est même c'est trop. Des fois, je commence toujours, mes films, ils commencent toujours à avoir plus ce qu'ils ont besoin. Normalement, le processus, c'est de couper. Et tu commences à enlever, et le plus tu enlèves, le plus tu vas dans un langage un peu plus poétique et beaucoup plus profond. C'est comme un dialogue entre deux personnes. On peut être très détaillé dans ce qu'on veut que les spectateurs écoutent, comprennent, mais on peut aussi dire non, on va donner des topics et on va laisser chaque personne avoir faire son propre film. Si ça c'est très important, ok, il faut que tout le monde le sache. Là, cette information, il faut sortir. Mais les autres ne sont pas tellement importants. Donc on va laisser aux limites de ce qui est nécessaire. Et c'est là que le film, en fait, le dialogue, je coupe toujours beaucoup de dialogue. J'essaie de faire des films sans dialogue, en fait. C'est vrai? Ce que j'aimerais un jour faire, c'est un film, bon, j'ai déjà fait, mais un film grand, sans dialogue. Parce que j'allais dire, l'une des forces de ton cinéma, quand on regarde, c'est justement les dialogues, là où beaucoup de gens d'animation suppriment, ont peur de se lancer dans les dialogues. Là, il y a toujours beaucoup de dialogues, finalement. On est beaucoup dans... Ouais. Et ils sont importants dans un suspecta si on n'a pas les différentes intonations, on pourrait l'imaginer sans dialogue, un suspecta finalement, où on imagine les personnes qui se regardent, ont peur et tout, mais finalement, cette personne qui va parler beaucoup, grosse dame, l'autre qui va du tout. C'est vrai, dans le suspect, je ne peux pas supprimer le dialogue parce qu'un personnage a besoin de parler. Ça, c'est un peu un besoin que je ne peux pas faire changer. Mais... Dans le dernier film aussi, mais le dialogue, il est... C'est très important, il est, voilà, il est fondamental. Tu sais, pour il était le double de ce qu'il était. D'accord. Et en fait, le plan de conversation de père en fils, quand il y a le petit mouvement de caméra, il y a tout changement de couleur, en fait, ce plan-là, il était prévu pour 1 minute. Et à la fin, il a 2 minutes. Donc, il a grandi pour le double. Et puis, j'ai senti que l'intensité avait besoin de plus de temps. Mais par contre, ce qu'ils disent a été coupé pour, je ne sais pas la moitié, mais au moins un quart est sorti. Et donc, en fait, ce qui a augmenté, c'était les silences. C'était le temps de réponse, le temps. Toute une chose, il était dans le temps pour que l'autre puisse un peu recevoir ça, penser et dire ok, on va changer de discours. Et tout ça, c'est la mise en scène en fait. Et pour ça, il faut vraiment être en syntonie avec le film. On doit être là-dedans, on doit être avec chaque personnage. C'est quand même, c'est presque un moment de communication non verbale. Ça veut dire comme une liaison plus mentale. Mais je reviens sur cette idée de cinéma parce que je pense que si Suspeita a aussi bien marché, en tout cas voilà, dans les festivals ou quoi, c'est que ça nous a amené à un cinéma qu'on a finalement peu. D'abord, c'est un film de genre. Mm-hmm, on en a peu finalement de films de genre. Ouais, en animation, c'est un vrai film de suspense. Ouais. On se pose des questions, etc. Ouais, et ça fonctionne très bien. Et puis, il prend son temps. Parce que beaucoup de films d'animation, finalement, à cause de l'argent, à cause finalement des financements, prennent pas. C'est un film qui est long, dans le bon sens du terme. Et par exemple, ça prend au moins 4-5 minutes, rien que l'installation des personnages. C'est vrai. Prend 4-5 minutes. C'est quelque chose qui est rare, ça. C'est quelque chose qui est... Parce que tu te finances toi-même. Alors, à Suspeita, je suis pas sûr que ça soit un financement. C'était produit par une boîte de production. C'était pas moi. C'est ça. C'était Zeppelin Films. Et en fait, la production a passé des moments un peu difficiles. Et il faudrait quand même trouver de l'argent pour finir le film. Donc, c'était un moment assez complexe. Mais on a eu la chance que le film a bien démarré. Et donc, enfin, tout s'était payé et on était tous très contents. Mais c'était un risque quand mais même. Mais oui, et puis comment s'est passé le rapport avec la production quand tu viens et tu dis voilà, je vais faire un film de 20 minutes et il va y avoir beaucoup de moments donnés où il va entre guillemets rien se passer. Ouais. Là où en animation on couperait en disant ah, ça aide pas et qui fait toute la force du film justement, ces moments-là. Ouais. Comment ça se passe? Ouais, en fait, dans le Portugal, il n'y a pas de producteurs. Les producteurs découvrent aussi un peu l'animation. Donc, ça veut dire... et en fait, c'est le réalisateur qui amène le film au producteur. Donc, c'est son fils. Et donc, c'est un peu... J'ai jamais senti quelqu'un de la production pourrait avoir une expérience tellement grande qui pourrait diriger un peu et dire non, tu fais pas ça, tu fais. Je crois que pour faire ça, il faut quand même avoir une expérience, avoir un passé. On n'a pas ça. Et donc, je crois que les réalisateurs, ils ont quand même l'espace pour se faire comprendre et pour se faire. Trouver les moyens pour raconter ces histoires. Et donc, à ce niveau-là, je me suis senti toujours très libre. J'ai pris toutes les décisions que je voulais et j'ai jamais eu quelqu'un à me dire autre chose. C'est vrai que c'est toujours un risque. Je me souviens que j'avais montré des storyboards pour quelqu'un de BBC qui avait passé à Cinéma dans un moment. Et un des commentaires qu'il a dit, c'est la présentation, tout prend beaucoup de temps. Dans un court-métrage, il faut avancer déjà dans le script, tu peux pas présenter les personnages comme ça. Moi, c'est vrai que c'était quelqu'un avec plus d'expérience que moi, ça m'a fait beaucoup penser. Et j'ai dit, non, peut-être il a raison, il faut regarder mieux. Mais à la fin, j'ai quand même gardé parce que je sentais que c'était correct. Je sentais qu'on avait besoin de ce temps-là. Et en fait, c'est quand même un moment assez intéressant. J'étais à Stuttgart à montrer le film. Et parce qu'à chaque fois qu'il vient un personnage, il est complètement différent de l'autre. Il y a des personnages carrés, il y a des personnages ronds. Donc c'est comme une galerie de avec une richesse visuelle et quelque chose de contrasté avec les autres. On a quand même besoin de temps pour entrer, pour sentir déjà qu'est-ce que ce personnage va amener pour cet compartiment. On prépare ce qui vient après. Mais c'est rare parce qu'en animation, on va beaucoup s'arrêter sur juste la forme du personnage. Cette dame, elle est un peu forte. Ouais. Forcément, on n'a pas besoin de la décrire, alors qu'en fait, il est intéressant de la décrire, même si en effet, elle va beaucoup parler. On peut imaginer qu'elle va être comme ça. Ouais. Tu prends du temps oui. pour le faire et c'est vrai qu'on le voit peu ouais. en animation prendre ce temps-là finalement. Ouais. Bon, là, je sais pas quoi te dire, mais bon, sinon, ce que je pense aussi, c'est qu'à chaque fois, par exemple, un scénario du suspect, je vais te donner un exemple. Il y a un moment où le personnage qui est un peu fou, qui pense que tout le monde va le faire mal. Qui lit les journaux avec des crimes partout, donc il voit des menaces partout. En fait, au début, il entrait dans son compartiment et il tuait pas la mouche. Il n'avait pas cette scène. Et on s'est dit, quand on a écrit tout le scénario, à la fin, on s'est dit, mais ça serait bien d'avoir dans le journal, on a besoin de la réponse de ça. Et il va perdre ça au début de la scène. Et comment on va faire disparaître une partie du journal et que ça soit un peu engagé dans la structure du film. Et on s'est dit, voilà, quelqu'un qui entre, ce mec, il ne veut pas avoir personne à côté de lui, il veut faire sa voyage seul, tout va être complètement, ça va sortir de son contrôle. Et en fait, la première fois qu'on va sentir qu'il veut ça, c'est vraiment la mouche qui vient. Et même pas la mouche, il ne veut pas que la mouche soit là. Et donc, et la mouche, c'est la raison, le journal, il va se casser. Et donc, c'est quand tu vois le film une fois, tu écris une fois, tu écris deux fois, tu écris quatre fois, tout vient du début à la fin. C'est là que les choses commencent à se lier avec une force qu'après tu ne peux pas enlever aucune chose. Et c'est là qu'il y a un film, en fait. Il y a peu de films de genre, il y a peu de films de suspense en animation. Le seul, moi, qui. La seule référence que je voyais était peut-être les Wallace et Gromit, ouais, notamment le deuxième. C'est vrai, hein. Oui, il était très. Oui, c'est une bonne influence. Ouais. Voilà, au niveau du temps, plus la durée, il y a quelque chose d'assez présent. Sinon, c'est quoi les autres références? On va plutôt voir justement Hitchcock. J'ai vu The Vanished Lady, obligé à voir. Donc, quand j'ai su qu'il avait un film tout passé dans un cran, moi je me suis dit, voilà, il faut apprendre avec les maîtres. Donc, j'ai vu ça. Sinon, au niveau de l'animation, mes références, Mark Baker avec The Village, The Hill Farm. Même Peppy qui fait maintenant des travaux très, très beaux et très bien faits. Sinon, au niveau des histoires un peu plus de l'Est, tu vois, Gilles Trink et Gilles Barthes, c'était aussi des références très fortes pour moi, Norman McLaren, c'est vrai, mais Aardman aussi. Ce que j'ai beaucoup aimé quand j'ai commencé à voir le premier film d'Aardman, c'était on oublie qu'on voit des poupées. Il y a un moment que tu oublies, tu es dans une histoire et ça, cet univers, il te prie et j'ai aimé ce pouvoir quand tu as vraiment une histoire très, très bien, toutes les choses sont très bien liées, il y a un sens, une force. Donc j'étais un peu pris pour ça, tu vois, pris pour comment je peux faire, je peux raconter une histoire qu'à bout d'un moment, le spectateur, il va être dedans. Il ne va pas douter qu'il est dans une histoire assez forte. Voilà. Donc il y a le plaisir des deux, il y a le plaisir de l'animation, parce que ça reste des films d'animation qui travaillent, qui ont le plaisir de la maquette, on voit bien, et le plaisir de raconter une histoire, c'est-à-dire de jouer avec ces deux-là, et finalement de mettre deux choses que beaucoup de gens ont du mal à mettre ensemble, c'est-à-dire c'est souvent où on a ou le plaisir de l'animation, ou le plaisir de l'histoire, mais c'est vrai que d'avoir les deux, en même temps, ce n'est pas toujours facile, je trouve, il n'y a pas... Ouais. En fait, je crois que c'est aussi la formation. Moi, je suis venu des Beaux-Arts, donc j'ai vu toute une formation visuelle. Ça veut dire que je suis passionné par la forme, la construction esthétique, comment tu peux créer un personnage qui, sans rien dire, tu connais déjà ce qu'il pense, tu le connais déjà un peu, c'est comme les personnes réelles, mais on peut même aller plus loin. Donc, l'idée de caricature pour faire passer des informations. Et quand on commence à faire du mouvement, après le mouvement c'est super, tu peux vraiment faire des choses super. Et je suis animateur aussi, j'aime beaucoup faire bouger le personnage et lui donner de la vie. Mais le problème, mon problème, je sais pas le problème des autres, mais mon problème c'est je me perds un peu dans ça. Et donc j'ai trouvé le scénario comme une utile pour me repérer et pour me dire « Attends José, arrête, tu n'as pas besoin de faire bouger le personnage à ce moment-là, tu as besoin de garder en silence. » En fait, j'ai beaucoup appris avec les maîtres des prises vues réelles comme Manuel d'Oliveira, qui en fait ont un cinéma très, comme des mises en scène presque, où il n'y a presque aucune chose qui bouge. Et tu te dis, mais s'ils font ça avec des humains qui peuvent bouger dans n'importe quelle direction, pourquoi on ne fait pas, si on a déjà des marionnettes qui normalement elles sont des positions fixes? Bon, mais il y a une relation un peu difficile entre les animateurs et les positions fixes, le silence, les moments où tu as une cadre, tu as toute lumière et il n'y a rien qui bouge. Ça peut durer vraiment beaucoup de temps. Si tu as une bonne intensité sonore à ce moment, peut-être un petit mouvement de caméra ou pas, si tu n'as même pas besoin. Si tu montres quelque chose qui change, ça peut être une lumière, ça peut être une chose subtile. Tu fais du cinéma avec une image presque arrêtée. Et c'est là que je dois beaucoup apprendre. C'est intéressant parce que je dis souvent, je pense qu'en effet, on va dire le vrai futur, la vraie complexité pour l'animation, la vraie question, c'est le travail sur le mouvement. On a trop été dans un mouvement disneyen et on peut aimer ça, plutôt réaliste. Ouais. Et qu'aujourd'hui, en effet, il va falloir travailler un autre style de mouvement, même financièrement, pour faire des longs métrages, on n'a pas l'argent, etc. Donc, à la fois économique et à la fois évidemment artistique, de pouvoir se rejoindre et de travailler. Est-ce que ça, c'est quelque chose que toi, tu peux mettre en place dans tes prochains films, cette idée de fixité encore plus loin, justement? En fait, je crois que ce que j'aimerais faire, je suis en train de développer un projet de long métrage. On verra qu'est-ce que ça va donner, mais bon, je suis très, très là-dedans et je le sens comme une opportunité très importante pour moi. Et en fait, c'est un film d'aventure, mais aussi un film d'une famille de femmes, trois générations de femmes, qui habitent en Afrique, en Angola, et qui ont vécu une guerre de 40 années. L'histoire, tout simplement, c'est une femme qui laisse son petite fille de 2 ans pour aller chercher son mari, le mari de la petite enfant, et le faire revenir à la maison. mais en fait elle va se perdre dans ce voyage et ça vont passer 16 années et un jour quand elle essaye de remettre tout en place, c'est très complexe déjà. Et donc voilà, c'est une histoire assez, c'est la guerre, c'est la de famille, comment une famille peut survivre à une guerre, comment les familles survivent à la guerre, parce que toutes les familles survivent à la guerre, sinon on n'avait pas la continuité de notre existence comme humain. Mais en fait, j'essaierai d'avoir, de balancer entre, déjà au niveau du rythme, entre des moments très émus, très intérieurs, et des mouvements où il y a beaucoup d'action aussi, parce que je crois que c'est quand même c'est comme la vie, on n'est pas toujours dans les mêmes états, donc il y a des changements, et donc je vais essayer de construire ces films avec des contrastes, que je crois que c'est une chose qu'on peut faire dans nos longs métrages. On a le temps pour installer un plan et aller dans un rythme, dans un état d'esprit, et après tu as le temps de passer pour une chose qui est complètement l'opposé. Et voilà, on verra si ça... Mais on espère. Est-ce que le fait, les cinéastes portugais qu'on connaît ici en France, alors tu as cité Manuel de Oliveira, j'ai oublié, il y en a un autre évidemment très important, dont j'oublie le nom juste maintenant, je te parle parce que j'ai pas. Mais tous les gens qui sont de la prise de vue continue, qui font voilà du live comme on dit, est-ce que ces gens-là travaillent souvent ça, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments très lents. Ouais. Oliveira notamment, ça peut être vraiment, ouais. Il peut faire des films qui vont durer plusieurs heures. Enfin voilà, il prend son temps. Est-ce qu'un long métrage comme ça peut être en animation, peut être encore plus facilement produit au Portugal, presque. Ouais. Est-ce qu'il y a un terreau de cinéma qui permet de travailler un long métrage comme le tien? Tu sens ou... Bon, c'est ma boîte qui va la produire. Donc, je suis pas protégé, si tu veux. Mais c'est quand même une coproduction. On va la faire. On verra avec qui sont les autres partenaires. Déjà, la Belgique, elle est dedans. Ce que je sens, c'est que cet espace et ce temps, c'est un peu le temps du Portugal aussi. Mais quand je suis passé en Afrique, j'ai vu que c'est aussi le temps d'Afrique. En fait, c'est le temps des places, des endroits moins occidentalisés, moins urbains, si tu veux. Peut-être en France, mais en Belgique, si tu vas dans l'intérieur, tu commences à voir le temps qui passe dans un autre rythme. Moi, j'habite à l'intérieur du Portugal. J'habite vraiment à Alentejo, un endroit où le temps est vraiment quelque chose de contemplatif, où il y a tout le temps pour prendre des décisions. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu le feras demain, tranquille. Moi, pas de mon cas, parce que j'ai travaillé à l'animation quand même. Mais tu vois ça à côté de toi, dans des autres personnes, tes amis, les gens qui travaillent là. Et donc, je crois que le temps, par exemple, je viens de voir de connaître, je ne l'avais pas vu avant, Ma vie de courgette. Et j'étais un peu, voilà. Je pense qu'une des forces plus fortes de ce film-là, c'est vraiment le temps, la notion de temps. Et c'est le temps des enfants, le temps, les choses ont une cadence, une évolution assez lente. Et après, c'est vrai qu'on est dans un film, donc il faut quand même donner un peu des rythmes, garder l'émotion, les changements émotionnels. Mais quand même, il y a un temps. Et si tu compares ça avec un film de Pixar, tu vois déjà une chose complètement différente. Et je crois que le monde, il est dans une vitesse fou. Et on amène ça à les enfants, on amène ça dans la musique, dans la radio, dans tout. Il faut toujours que les choses bougent, parce que sinon ça va changer, quelque chose va changer. Et c'est une idée qu'il faut avoir un fin pour ça. Et peut-être soit c'est la fin de l'humanité, soit c'est quelqu'un qui commence à amener d'autres choses. Et je crois que nous, comme créateurs, on a ce devoir, cette... engagement de montrer, c'est possible de faire des films assez forts, c'est possible de raconter des histoires et quand même avoir un temps humain. Finalement, ce temps-là, en plus, c'est un temps que la prise de vue continue se permet. On pourrait citer évidemment des gens même comme Tarkovsky, hein, voilà, qui sont les plus évidents, Mais et qu'on se permet finalement assez peu nous en animation. Là, cette année, on a Louise en hiver. Oui, j'essaierai de voir. Voilà, parce qu'il y a le temps aussi de la vie. Enfin, voilà, temps de prendre un peu son temps. Il y a la première partie de la Tortue Rouge. Ouais, je sais pas, c'est vrai. Oui, j'ai vu. Prend plus son temps. Voilà. Avant que la famille arrive. Enfin voilà, où il y a autre chose, mais tu crois. Bah oui, que c'est un temps là qu'on va enfin avoir en animation. Tu m'as plus ou moins répondu avant hein, déjà. Ouais. Oui, j'espère. Hein. Je vais essayer de travailler ça. En fait, je crois vraiment au contraire d'une logique un peu commerciale de faire toujours les choses budget, faire toujours les choses action. Je crois que ce qui donne la force en film, c'est pas la vitesse, c'est pas la quantité d'événements, c'est vraiment une liaison entre des moments qui sont émotionnels. Ça veut dire, si tu laisses une scène où tu laisses le spectateur un peu suspendu, c'est là que le film tient le pouvoir. C'est pas parce que tu termines cette scène avec un bruit, des choses qui explosent pour tout. Ça peut être comme ça, mais c'est pas nécessaire, ça. Tu peux le faire, mais c'est pas nécessaire. Et je crois qu'on doit quand même être un peu riche dans notre création. Voilà, antenne, bulle de rêve. Vous êtes passé dans un time loop absolument étonnant, puisque normalement, on devait se retrouver un quart d'heure après, on se retrouve une demi-heure après. Donc voilà, vous êtes hypnotisé par Bulle de rêve et Radio Libertaire. C'est tout simplement que, bien évidemment, vous l'avez compris, comme d'habitude, et j'ai commencé à paniquer. J'ai dit à Nicolas, non, on va pas avoir le temps suffisamment pour toute la musique. Donc passons deux morceaux de Ribeiro en même temps. Donc vous avez eu droit à deux morceaux de. Juan Miguel Ribeiro en même temps. Ce que je vous propose, on va avancer comme ça, on va pas perdre trop de temps et on va enchaîner sur la troisième et dernière partie de cette très belle interview. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Comme vous l'avez entendu, en me réécoutant, je disais c'est un peu supportable. Je parle tout le temps, mais il y a toujours un bonheur de parler avec des gens comme ça. Et Juan Miguel, c'est étonnant. Vous avez, il y a des auteurs que vous aimez bien. Mais voilà, vous les aimez bien, et puis d'un seul, vous parlez avec eux, ils deviennent absolument passionnants, ils racontent des choses absolument extraordinaires, donc ça vous prend, et voilà. Et donc on devait faire à la base, allez, peut-être une demi-heure, 40 minutes, on a fait une heure avec lui, on a rediscuté même un peu après et tout, donc c'est assez, voilà, c'est quelqu'un d'assez fascinant. J'espère que vous avez le même plaisir que moi à l'écouter, et en plus, vous avez, si vous avez envie, il a un Vimeo, donc vous tapez son nom, Ribeiro Animation, et en fait, vous allez tomber sur Vimeo, et vous pourrez, une grande partie des films dont on parle, vous pourrez en plus les voir, ce qui est plutôt bien. Voilà, de pouvoir voir ça. Je reprends mon souffle. Je remercie Nicolas de bien vouloir lancer cette troisième partie. Sinon, je vais encore parler pendant 10 minutes et on n'y arrivera pas. Donc, on écoute la dernière partie de Ribeiro et on revient juste après. À tout de suite. Il y a un moment donné important quand tu passes de films donc plus de genre, en tout cas, voilà, on a déjà parlé de premier, c'est bien sûr Voyage. À Cap-Vert. J'essaie de le prononcer, mais j'ai pas. Et puis évidemment le dernier, où là d'un seul coup tu passes à des choses plus personnelles. En tout cas, voilà, plus. Oui, je sais pas si le dernier film est personnel, ouais, et pas parler de ton histoire. Voilà, mais donc c'est des choses beaucoup plus personnelles. Comment on passe à ça à un moment donné dans sa vie, de se dire allez, j'ai fait déjà des choses. Ouais. En fait, je crois que mes films, ils étaient toujours très personnels parce que ils sont. Mon long métrage, ça va être la première fois que je vais partir d'un travail préexistant. Donc, c'est une pièce de théâtre qu'on a adaptée. On a fait un scénario et voilà. Donc, il y a d'autres auteurs qui ont démarré le projet et moi, je le prends et je continue. Sinon, tous les autres films sont des expériences. Ça part toujours des expériences très personnelles. D'être dans un train, de voir comment les gens, quel est le comportement. Donc, ce sont toujours des opportunités que je trouve pour m'engager avec la vie, pour m'engager avec ce qui se passe à côté de moi, et après trouver une façon de raconter cette histoire avec des images, des sons, des séquences. Là, ce film, en fait, j'ai eu le cours de Beaux-Arts et j'ai toujours regardé des amis à moi qui avaient le courage, avec 20 ans, de s'exposer. Je suis toujours un peu plus timide, donc je gère pas bien cette être préparé pour me montrer, même quand je vais dans une scène, il faut parler à public, ça va là. Bon, j'ai trouvé quand même des mécanismes pour trouver une solution, mais c'est très difficile pour moi, c'est quand même un défi toujours. Donc voilà, le Voyage à Cap-Vert, c'est le premier film que j'ai franchement gardé ça. Je vais aller un peu plus loin. Intérieur de moi, même si j'ai pas trop allé, il y avait beaucoup d'autres choses que j'ai pas mis dans le film parce que j'étais pas préparé pour ça. Et ce film là en fait, c'est un film qui était toujours dans ma tête pour faire, pas ce film complètement, mais ce thème plus le thème de la guerre coloniale portugaise, l'effet de la guerre, parce que j'ai un père qui est militaire, j'ai vu comment il était un peu, voilà, il a géré tous ces problèmes, comment il était seul, abandonné un peu par l'État qui a donné aucun support à des familles qui ont vraiment pensé la guerre s'est terminée, on va démarrer notre vie, mais en fait non, la guerre elle était toujours présente dans les filles, des familles qui sont complètement détruites. Et donc c'était un thème pour moi très fort. Et moi je disais, comme Abby m'a dit un jour, si tu veux faire un film, il faut qu'il soit au moins, les thèmes qui soient très importants pour toi. Autrement, c'est tellement d'énergie, tellement de temps que tu prends pour faire un film d'animation. S'il n'est pas fort pour toi, tu vas vouloir faire autre chose. Et voilà, ça c'était un thème très fort pour moi. Par contre, c'était tellement personnel, je ne savais pas comment le faire. Donc j'ai toujours laissé, je sais pas, 3 ou 4 ans avant, Je me suis dit, peut-être c'est le moment, peut-être je me sens préparé. Je suis passé une semaine dans une maison, j'ai demandé à ma femme et mes enfants de me laisser une semaine seule. Donc ils sont partis voir les grands-pères au nord, à Porto. Et moi, je suis resté une semaine et j'ai divisé un peu le temps au début dans l'internet pour voir aussi, lire autres histoires d'autres fils d'ex-combattants. Je voulais un peu savoir, est-ce que c'est mon point de vue, est-ce que ça c'est un peu un point de vue un peu plus généraliste de pays aussi. Et donc j'ai beaucoup, dans un premier moment, 2 ou 3 jours, j'ai fait ces recherches-là. Et après, comme je fais normalement, j'ai tout oublié, ou essayé d'oublier. J'ai commencé à écrire avec des post-it, avec des scènes un peu. Et voilà, le film, il est écrit en 3 jours, peut-être. Et ça a sorti d'une façon que j'étais un peu étonné, parce que c'était quand même une structure un peu complexe, avec des allées au passé, au présent, des moments un peu différents. Et tout ça s'était passé assez comme si c'était quelqu'un qui le faisait pour moi. C'était un peu mystérieux pour moi. Ce qui rend le film, c'est toujours complexe de travailler sur des univers qui sont personnels. Ouais. Et ce qui rend finalement le film peut-être plus ouvert à d'autres, à d'autres personnes de tous les pays, c'est que c'est un questionnement sur la nation aussi. Parce qu'on a au tout début, on est sur le Portugal, à la Coupe d'Europe, et toutes ces personnes qui sont dans un. Un délire. Un délire par rapport à ça, mais forcément derrière, il y a toujours la question de se dire, oui, on sait bien quand il y a un drapeau, quand il y a du football, quand il y a un sport, mais qu'est-ce qu'il y a réellement derrière ? Voilà. C'est cette idée vide, des fois vide, d'une idée de nationalité, de groupe de personnes qui se revoient dans quelque chose. Et en même temps, dans les moments. Et en même temps, une idée de nation qui prend des jeunes avec 20 ans, qui les envoie dans une guerre, qui les reçoit et que après les oublie. Et donc, c'est cette. Ce que je voulais un peu parler, c'est aussi comment les humains sont pris dans ce concept un peu dangereux, tu vois, un peu une idée politique, en fait. Il y a une question des nations politiques, donc il y a les politiques qui prennent des décisions pour tout le monde. Démocratie, après le fascisme, on a commencé à voter, à choisir, mais quand même, ils ont un agenda, ils ont des choses qu'ils veulent faire, et en fait, la réalité, c'est que il y a une grande espace entre la vie de tous les jours avec les gens qui sont là et la vie d'une nation, d'une construction, des fois théorique, avec une histoire, avec une langue, avec des valeurs assez fortes, mais quand même qui sont utilisées, qui sont manipulées pour des objectifs que après il faut. Les gens se rendent compte qu'il faut toujours bien penser parce qu'il n'y a personne qui peut décider pour nous. Et quand même, l'idée d'une nation, une chose des moments un peu fantastiques, c'est bien. J'aime bien le football, j'aime bien aller dans un endroit où tout le monde est dans une syntonie. C'est quand même un moment très fort. J'ai déjà vécu ça aussi dans des manifestations, mais c'est vraiment une expérience très riche. Mais voilà, mais il faut quand même faire attention parce qu'on est toujours un. Et il va y avoir un moment, tu vas mourir seul. Et donc, quand tu as un problème, tu le résous seul. Et quand une nation te laisse seul à résoudre un problème, que c'est un problème national, c'est un problème que je crois qu'il y a un problème grave dans cette nation. Surtout qu'on ne se rend pas bien compte, mais il y a à peine quoi, un peu plus d'une quarantaine d'années, enfin voilà, il y avait encore un gouvernement militaire, enfin. Oui, c'est. Portugal, hein, il y avait. C'est un monde, on a l'impression que c'est très loin. Moi, aussi en Espagne, Franco, en Espagne, enfin voilà, on a l'impression. Et maintenant, tout ça, c'est l'Europe. Ouais. Mais en fait, c'était hier. C'était hier. 1974, 64, voilà. Ouais. C'était quand tout ça a changé. Mais en fait, avant, c'était une personne qui prenait toutes les décisions. Donc c'est-à-dire qu'une partie de la génération portugaise de ta génération, ouais, en fait... C'est 50 années de fascisme. Ouais, c'est 50, ça. C'est quand même beaucoup d'années. Ouais. C'est-à-dire qu'ils comprennent, ils peuvent comprendre ton film. C'est-à-dire que est-ce que ton film a été montré à... Oui, au Portugal. Ouais. Il y a des gens qui t'ont dit, Portugal, bah, moi, ça... Au Portugal, ça, c'est très fort. Oui, hein. J'ai eu des réactions incroyables. Des gens qui ont... J'ai présenté ça dans la ville, j'habite Montemoro Novo, et on avait la salle avec pas mal de gens, et il avait beaucoup... On a invité des ex-combattants pour venir avec sa femme, ses familles. Donc il y a des gens... Après, on a commencé à parler un peu avec tout le monde, et là, des gens qui ont eu le courage de parler, et on sentait déjà l'engagement de ce thème. Donc, en fait, le film, c'était seulement un petit test pour commencer à parler. C'est son travail aussi, son bout. Mais sinon, j'ai écouté après avec des amis qui n'ont rien à voir. En fait, c'est un designer qui travaille avec moi et que la famille de sa copine, son père était dans la guerre. Et en fait, il a dit, après, tu sais, la séance a terminé, on est allé un peu à Dior. Et j'ai parlé avec la famille de ma copine, on était un peu ensemble. Et le père et la mère qui disaient, maintenant je comprends pourquoi toi, ma fille, des fois tu as ces réactions comme ça. Je sais d'où ça vient. Et donc il y a comme une conscience, personne ne se met cette conscience. Des fois tu as vécu des choses et tu penses toujours que c'est un problème à toi, c'est un problème, elle est un peu nerveuse. Mais des fois il y a autre histoire. Et l'important c'est que les gens puissent voir autre histoire, même s'il y a. C'est pas la seule histoire, il y a d'autres. Mais quand tu regardes ce film, après, tu reconstruis ta histoire, ta vie d'une autre façon. Oui, parce que ce qu'on a plus ou moins dit, c'est qu'en effet, il y a l'idée de transmission. C'est qu'est-ce qu'on transmet, voilà, finalement d'un père, enfin, en tout cas, père de parents à ses enfants, ouais, aussi bien dans ses angoisses, dans ses bonheurs, mais aussi dans ses angoisses, dans ce genre de choses, qui est très fort dans le film, en effet, ouais, où ouais, le fils dit à son père, bah voilà, maintenant, il faut que je te parle. Encore une fois, un moment, ouais, important, match, ouais, de football ou quoi, mais ouais, ouais, et ouais, il y a ce moment important où le père qui éteint. Ouais, ouais. La télé qui a un, ouais, geste assez fort où finalement c'est il est prêt à écouter son, ouais, ouais, son fils. Donc on est dans cette idée aussi de transmission, ouais, qui est très importante, ouais, qui fera bien de se poser tous un peu partout, pas uniquement au Portugal. On se dit qu'on a fait un film quand on a ces réactions, quand on a ces gens, on se dit qu'on a fait un film qui est peut-être pas un peu plus important, mais en tout cas qui, ouais, on est content de se dire bon là j'ai, ouais, ça permet de faire parler, ouais. Ouais, c'est voilà, je suis très content en fait. Et on va essayer de faire le film circuler au Portugal. On est en train de préparer un tour. Et j'essaierai d'accompagner quelques présentations, mais quand même, c'est un film pour le pays. Je l'ai fait pour le pays, mais en vrai, le problème c'est que le monde il a aussi. Mais c'est vrai qu'au Portugal, tu as une quantité d'informations que tu as que tous les. Tous les lits d'une autre façon. Si tu es peut-être en France, tu vas faire une autre lecture. Mais je pense que c'est d'ailleurs, c'est peut-être une des complexités du film, c'est que je pense qu'avec ta présentation hier en salle, j'ai sûrement plus compris le film. Okay. Que si je l'avais vu sans cette présentation. Ce qui est, voilà, ce qui est à la, ouais, fois problématique parce que, ouais, voilà, par rapport au, ouais, film, mais c'est intéressant de voir qu'en effet, il y a besoin aussi des fois d'avoir un contexte. Ouais. Ouais. En fait, tu sais, au début, à ce moment, j'ai un doute en fait, par rapport à ce film-là. Parce qu'au début, la première version du storyboard, et même la dixième, il y a eu au moins une vingtaine de versions, mais là, jusqu'à dixième, je suis sûr, le film il terminait avec un statement final. Et ce statement final, c'était, voilà, c'était une partie de ce que j'avais dit. Ça, mettre en place un peu une... C'est ce que tu as compris dans ma présentation d'hier. J'ai enlevé ça parce que je pensais que, à la fin de toutes ces émotions, un texte, ça changerait un peu d'une façon assez vite un moment que le spectateur doit quand même avoir pour voir le film, pour réfléchir d'une façon un peu plus libre. Donc je voulais pas trop contrôler. Mais. Tu continues à avoir les doutes. Voilà, et maintenant que tu me dis ça, j'ai plus de doutes. Non, mais ça pourrait arriver au début. Ouais. Parce que souvent, justement... Peut-être, hein. Parce que quand ça arrive à la fin, il y a un côté un peu, justement, voilà ce que j'ai voulu vous montrer. Ouais. Parce qu'on est au début, comme tu l'as fait hier, la présentation, ouais, était au début, ouais, j'avais ça en tête, j'ai vu le film avec ça en tête, comme si j'avais eu un carton au début me disant, bah, voilà ce qui s'est passé un peu au Portugal. Ouais. Et puis finalement, comme tu racontes pas directement ça, mais quelque chose qui est à part, ça ne gêne peut-être, pas le film. Peut-être. J'ai pensé, hein. Je crois au moins, ouais, je vais essayer. Au moins, je vais essayer parce que c'est quand même. Voilà, c'est parce que le film il a une fonction et pour que cette fonction soit aboutie, il faut quand même moi comme réalisateur. C'est un film, voilà, que même si le film est très bon, mais il est un peu à côté de ce que je voulais quand même le faire, avec le changement qui peuvent être dans la société, ce qui peut faire les gens penser. Je crois quand même, ce film-là, c'était fait pour ça. Et donc, je suis disponible pour donner un peu de l'espace que je voulais avoir comme réalisateur et faire le film un peu plus efficace. Puisque, en plus pour tous les pays qui ont eu aussi les guerres coloniales, évidemment la France en a eu, la Belgique en a eu, et finalement de se dire d'ouvrir ça. Ouais. Est-ce qu'on est content d'avoir, est-ce que tu es content de te dire, allez, j'ai bien fait quand même de faire des films un peu plus personnels, même si tu dis, ils sont tous, même si on peut parler, à Suspeita, on peut parler de la peur, et tu sais si c'est important aujourd'hui, avec Trump, d'un seul coup, cette peur qu'on peut avoir de l'autre, donc on peut retrouver ça évidemment dans Suspeita, mais là, comme tu dis, c'est encore plus personnel, en tout cas d'histoire vraiment personnelle. C'était dur, mais on t'es content finalement d'avoir réussi à passer au-delà? Ouais. Non, je suis content. C'était aussi un défi personnel. Et je peux te dire, quand le film est sorti, je n'étais pas préparé pour dire que le film c'est personnel. Et donc pendant le premier mois, je ne disais rien du film. Je disais, voilà, le film il parle, et je ne veux rien dire. En fait, c'est un thème que je suis un peu ému aussi par le thème et je n'étais pas préparé pour parler du film. Et j'ai pris des mois pour commencer à assumer que c'est un film personnel. Voilà. Maintenant, je peux te dire, je suis préparé. Mais j'ai besoin de ce temps-là pour le faire. Voilà. C'est bien de le dire aussi aux jeunes réalisateurs, réalisatrices qui souvent veulent faire des choses peut-être trop personnelles très rapidement. Ouais. Et des fois, de prendre son temps. Pour certains, pas tous, comme tu disais tout à l'heure, tout le monde n'est pas, mais finalement, prendre son temps, et c'est bien d'y arriver. Voilà, 95, ça fait 22 ans pour ton premier film. Voilà. Et finalement, d'avoir attendu tout ce temps-là pour enfin réussir. Pour s'asseoir. Ouais. Quand on a déjà beaucoup, pas mal parlé, je voudrais juste un tout petit peu, alors en dehors de ton cinéma, quand on parle de cinéma portugais en France, le premier nom qui nous vient en tête, si on aime un peu l'animation, c'est plutôt Abi Feijó. Que je prononce mal, désolé. Ouais. C'est Regina Pessoa, évidemment, parce qu'elle est venue, mais c'est plutôt. Est-ce qu'il y a un cinéma portugais avant Abi Feijó? Il y en a forcément un, mais parce que c'est tellement une personnalité qui paraît fondamentale. En fait, le cinéma qu'il y avait avant au Portugal, c'était des gens qui divisaient sa activité de travail en animation entre publicité, et que c'était le moyen de vivre, et des fois faire une ou autre court-métrage. Mais la plupart du travail, c'est vraiment la pub. Mais il y a plusieurs noms, deux ou trois. J'essaie j'ai un blanc, mais bon, ce sont des noms quand même que tout le monde connaît, très, très importants, des gens qui ont eu une histoire assez, assez drôle, parce que un des dinosaures, on peut les appeler comme ça, j'espère qu'il c'est quand même, c'est pas une. Non, c'est un. C'est quand même. Ça. C'est seulement dire qu'il est là beaucoup de temps. Ouais. En fait, il a commencé pour travailler comme, pas médecin, c'est infirmeiro. Infirmier. Infirmier, voilà. Infirmier dans des grands bateaux qui font des grands voyages. Eux, ils se noyaient un peu parce qu'il avait des fois, il y a rien, tout marche bien. Et donc, il a commencé à faire des dessins. Il a commencé à travailler dans des dessins animés, mais en fait, sa formation, c'était d'infirmier. Et un jour, quand il a trouvé sa retraite, au moins il a s'arrêté un peu avec les grands voyages de bateau, il a fondé un studio, il a travaillé avec des femmes. Quelques-unes étaient des femmes qui étaient liées à la prostitution aussi, donc il les a un peu pris et réorganisées. Donc ce sont des histoires assez, assez émouvantes et quand même très humaines, et qui te montrent vraiment que comment le cinéma naît dans un pays qui n'a pas aucune tradition, voilà, c'est avec des gens qui sont un peu, qui ont autre chose, qui sont passionnés par l'animation et après trouvent des solutions, mais toujours en gardant d'avoir quand même sa vie, d'avoir l'argent pour manger, pour vivre, ce qui n'est pas évident dans les années 40, 50 au Portugal. Et donc après, ce qui se passe avec Abi Feijó, c'est qu'Abi Feijó, c'est une nouvelle génération qui est née aussi avec le festival Cinanima, donc il a beaucoup appris avec le Cinanima. Il a eu l'opportunité d'aller à ONF au Canada. Et c'est quelqu'un qui voulait vraiment faire d'animation et de court-métrage. Et en fait, ce que je trouve dans ce travail, c'est qu'il a quand même... Il était important pour donner une pression à l'Institut du cinéma de Portugal pour démarrer le concours pour l'animation. Parce qu'avant, il n'avait pas n'avait aucune. Et donc, je crois que son premier film a même reçu une subvention sans que le concours était ouvert. Et donc, c'est vraiment une personne qui a ouvert la production de courts-métrages et la création de courts-métrages avec une continuité et une qualité qui commence maintenant à être reconnue. Et donc la vie quand même est oui, c'est vraiment le très important, ouais. Voilà, de ce côté-là. Garib, tout celle de la même génération, et aussi il est directeur d'un festival le Monstre à Lisbonne. Et donc voilà, c'était une génération qui a un peu démarré un cinéma d'animation plus autoral, si tu veux. Si on regarde ton parcours, on voit qu'il y a des films, en effet, donc des courts-métrages, et il y a pas mal de séries. Mm-hmm. Il y a des séries qui ont été faites, il y a pas mal de bandes annonces, il y a ouais. Voilà, pour des villes par rapport à l'Europe, enfin, etc. Il y a beaucoup ouais. de choses. C'est un équilibre obligatoire. Ou alors, t'aimes bien quand même travailler dans la commande et c'est un plaisir. Ouais, ça dépend de la commande. J'aime bien travailler dans la commande quand ils te disent, oh, voilà, on a cette idée de faire ça, mais on est ouvert pour des propositions. Là, c'est très bien. Sinon, par rapport à la commande plus commerciale pour la télé, je me suis arrêté avec des produits parce qu'en fait, ce que j'ai senti, c'est que il y a beaucoup de personnes qui donnent je sais pas le nom en français, mais bon, quand tu veux essayer de faire quelque chose, il te laisse pas faire vraiment ce que tu veux, ouais, tu vois. Ouais. Donc il y a intervention, être un peu trop présent. En fait, tu arrives jamais à faire ce que tu veux, et à la fin, tu perds un peu ton film. Et si tu gagnes beaucoup d'argent, tu peux te dire, bon, ok, mais au moins j'ai gagné l'argent, maintenant je peux faire mon film. Mais c'est pas tellement comme ça, c'est déjà passé un peu, au moins au Portugal, les publicités qui étaient très bien payées, ça a disparu un peu. Et donc je me suis dit, non, si je veux vraiment faire mes films, je préfère le faire avec moins d'argent, et changer un peu ma vie, mais quand même faire une chose que j'aime. Ribeiro, avant longue interview Anima, merci beaucoup au festival qui m'a accueilli. Je ferai bien sûr un petit papier prochainement, alors sur mon site The Web Anime, mais vraiment infiniment merci. C'est toujours un bonheur d'être Anima. Les gens sont adorables, on est accueillis de manière incroyable. Et puis dès que vous rentrez au Flaget, cet endroit, l'odeur des crêpes vous prend comme ça, et c'est un bonheur total. Donc vraiment très très très beau festival. Encore merci à eux. Et évidemment, vous avez entendu à la fin, comme pour remercier tous ces gens-là, Clapping Music, bien sûr de Steve Reich, mais aussi pour remercier infiniment et pour féliciter, ce que je referai énormément, tous les gens du FICAM. Le FICAM a commencé le jeudi 16 mars, moi je suis arrivé, c'était plutôt agréable. Il faisait pas si beau que ça, alors que quand on était parti de Paris, il faisait beau. Je peux vous dire, ayant été depuis 10 ans quelque chose comme ça au FICAM, il ne fait pas tout le temps beau au Maroc, on y croit, mais en fait on arrive, il fait souvent frais. Ça n'empêche pas le plaisir d'être là-bas. On arrive, on va dans l'hôtel, et déjà c'est un bonheur parce que il y a plein de gens qu'on connaît, il y a plein de gens, on commence à parler animation, on se retrouve à l'Institut français, qui est l'endroit où se passe tout le festival, et on a le plaisir là d'un seul coup, en effet, dans cette petite cour qui est juste devant l'Institut français, d'avoir aussi bien Dominique Fraud qui a fait La Voix de Louise en hiver, Jean-François Laguioni, voilà, plein de gens qui sont présents. Je me rappelle plus si Claude Barras était déjà là, Ma Vie de Courgette, bien sûr. Enfin voilà, on a plein de gens et c'est un bonheur. Et bien sûr, on rencontre à ce moment-là donc l'équipe de l'Institut français, mis en place alors donc pour remercier ces personnes. Il y a bien sûr Alain Millot, qui est le directeur de l'Institut français, qui fait un gros boulot et qui a aidé énormément le festival à rester implanté comme ça et avoir cette force aujourd'hui. Quelqu'un que j'ai découvert là-bas, Louise, qui virevoltante et qui a énormément aidé, notamment en s'occupant des deux invités américains, Bill Plimpton et David Silverman. Et on a un duo de choc. Je ne saurais suffisamment faire la gloire ici même à ce micro, la clapping musique pour être rien que pour eux deux, à savoir Sarah, qui est l'assistante de Beyoud, Mohamed Beyoud, le directeur artistique. Et Sarah travaille 6 mois de l'année, elle travaille avec Mohamed. Tous les deux, ils travaillent ensemble pour faire un festival qui est un festival d'allure internationale, mais vraiment avec un parterre d'invités absolument incroyable. Et ils sont là tous les deux, déjà présents dès le jeudi. Ils nous accueillent et c'est un coup de chapeau que je ne saurais tirer suffisamment longtemps, tellement moi ils m'impressionnent dans leur travail qu'ils font. Le jeudi soir, je ne sais plus ce qu'on a fait, mais on a dû aller manger, ce qui est normalement quelque chose qui se fait assez régulièrement. Nous sommes rentrés ensuite à l'hôtel. Et surtout, nous avons entendu donc le vendredi matin. Vendredi matin, on a commencé à 10h30 pour moi, avec une carte blanche au festival du film d'animation hollandais, le HAF, qui a lieu en ce moment en présence de William Thyssen, producteur, dans une salle pleine à l'auditorium de la région Fès-Meknès. C'était très impressionnant de voir autant de gens et qui prouvait aussi la force d'un festival qui avait su conquérir, pour moi en tout cas, un nouveau public et un public plus large. C'était très très impressionnant de voir tous ces jeunes qui venaient voir des films souvent assez complexes. Et quand je dis ça, c'est une séance qui aurait eu beaucoup de mal à se faire même dans plein d'autres pays, hein. Quand je dis même, c'est pas dénaturer la chose, bien au contraire, mais il y a une force d'un seul coup de films complètement barrés dans tous les sens qui est arrivé, et une grande partie, il y avait pas mal d'étudiants, hein, qui comme partout, certains s'ennuyaient, mais d'autres non seulement passionnants mais passionnés ont dit des questions qui étaient absolument mais incroyables. C'était vraiment un très, très très grand moment, et c'était la première séance. On a enchaîné ensuite pour moi à 14h30 avec quelque chose dont je rêvais depuis un bout de temps, qui était le thé à la menthe. Le thé à la menthe, c'est sous l'impulsion du directeur artistique, encore lui, qui m'a demandé, en fait, qui m'a dit, j'aimerais que tu présentes en fait des petits moments comme ça avec nos invités, sur des thèmes particuliers ou des choses comme ça. Et là, c'était avec Jean-François Laguioni, Dominique Fraud et Michael Dogdevit. On a parlé de comment représenter la solitude dans le film d'animation. Dominique Fraud a commencé, Dominique Fraud, actrice, hein, dans toute sa démesure et comme on les aime, et ensuite Jean-François Laguioni et Michael Dogdevit qu'on discutait, hein. Jean-François Laguioni qui aujourd'hui, je pense, me disait encore peu de temps avant, mais comment, pourquoi nous, il y a encore une compétition entre nous en tant que réalisateurs au Cartoon Movie ou des choses comme ça. À quoi ça sert finalement tout ça, et l'important est de faire des films. Quelqu'un qui a atteint un moment donné où presque la seule chose, peut-être la chose la plus importante pour lui, est de faire des films, et un Michael Dudok de vie tout le temps dans la réflexion. Donc le premier, hein, Jean-François Laguillonis, c'est Louise en hiver notamment, Gwen, Le Château des Singes, Dominique Fro étant la voix de Louise en hiver, et le second, Michael Dudok de vie, c'est Le Moine et le Poisson, père et fille, ou bien sûr La Tortue Rouge, que certains d'entre vous ont peut-être vu. Très beau dialogue, très belle discussion sur la temporalité. Qu'est-ce qu'on fait en animation aujourd'hui? Est-ce qu'on est obligé d'aller vers un mouvement parfait? Est-ce qu'on peut d'un seul coup avoir des moments donnés qui sont moins animés que d'autres par rapport au coût que vous avez d'un film? Discussion absolument passionnante entre les deux, et qui, je pense, fait voir une réflexion sur le cinéma d'animation, cette fois-ci un petit peu différente. Ensuite, 16h, Michel Oslo nous parlait de son nouveau long métrage Dilili à Paris, événement puisque le film est rentré enfin en production, et que Michel Oslo a eu du mal à mettre en place ce film. C'est un film qui est au 19e, fin 19e, je crois, début 20e en France. Début 20e en France. Et il fait rencontrer une petite métisse kanak à des gens, Picasso, enfin voilà, plein de gens, mais Sarah Bernard, etc., etc. Et l'idée de présenter, on va dire, voilà, un Paris que lui aime, un Paris culturel, un Paris scientifique, et notamment, comme il disait, un Paris aussi très féminin, avec des personnages féminins forts, et Isaura Duncan, Sarah Bernard, ou des gens comme Marie Curie, voilà, et de voir que même tous ces gens-là se sont rencontrés. C'était fascinant, puisqu'en plus, a priori, Michel Oslo ne le fera nulle part ailleurs, et c'était un cadeau qu'il faisait au FICAM, qu'il l'a reçu très très tôt. L'ouverture du FICAM ensuite, l'ouverture, projection de Ma vie de courgette, vous vous en doutez, comme un peu partout, avec une grande réception, et voilà, les gens étaient ravis. Et le soir, La Vengeresse, le nouveau film de Bill Plimpton, qui était présent ici. Le lendemain, nous avions le samedi 18 mars, nous avions d'un côté les Ateliers de Sèvres qui faisaient une conférence, en montrant certains des films récents, et une carte blanche à Ciné Téléfilm Productis, qui est une production hollandaise, avec Willem Thyssen, encore lui, qui était le producteur, et Michael Dudok de Vit, pour nous parler de tous ces films. Un peu moins de monde, un peu plus décevant, mais discours absolument passionnant, notamment par Willem Thyssen. La leçon de cinéma de David Silverman était juste après, à 14h. Entre-temps, les gens avaient pu découvrir Louise en hiver. Je vous fais tout ce petit topo parce que vous vous rendez compte à quel point, évidemment, le festival était riche et montrait énormément de choses. Donc, Louise en hiver avec Jean-François Laguillonni et Dominique Fro. Puis ensuite, la leçon de cinéma de David Silverman, qui était l'un des invités d'honneur du festival. David Silverman, il a commencé le 23 mars 1987 à travailler sur une petite série qui s'appelle Les Simpsons, et qui est devenue évidemment la série qu'on connaît. Il a été au tout début de cette série-là. Il a ensuite travaillé sur le long métrage, qui est pour moi l'un des très très grandes réussites, on va dire, de passer d'une série au long métrage. Allez, c'est un vrai journal que je vous fais. Ce n'est pas une apologie uniquement du FICAM, et même si je pense que voilà, c'est un grand festival. David Silverman était là pour aussi amener un peu le monde. Il a très très américain dans son show, mais très très fouillé, on va dire, et il n'a pas donné ce qu'on aurait pu imaginer. C'était très sympathique, mais voilà, il était là pour lui comme tout bon showman, et voilà, il est arrivé avec, parce qu'il joue du tuba, en jouant la musique des Simpsons au tuba. C'était très très sympathique, mais on n'a pas appris grand chose par rapport aux Simpsons, alors que, et ça c'est extraordinaire, séance à 19h de La Tortue Rouge de Michael Dudok de Vit, en présence du réalisateur, séance pleine. Et des fois, même ici à ce micro-là, des fois je me plains, et c'est vrai que j'aime bien les enfants, mais quand même des fois ça m'ennuie, ça piaille tout le temps, etc., etc. Et là, séance exceptionnelle, mais vraiment, la salle était complète, 19h le samedi soir, et les seuls qui étaient absolument passionnants, c'était les enfants. Les deux, trois premiers rangs étaient des enfants, ils ne parlaient à peine, de temps à autre sortir faire pipi, mais bon, voilà. Vous avez vu La Tortue Rouge, vous voyez à quel point c'est un film qui est complexe, parce qu'il se passe pas grand chose, et par contre les adultes étaient avec leur portable, voilà, étaient sur Facebook, etc., etc. Et donc, voir comment les enfants peuvent voir des films comme La Tortue Rouge et être passionnés par ça. Et après une séance absolument mais géniale de questions-réponses entre les enfants justement et Michael Tudoc-Duvitte avec des choses des choses qui paraissent simples, mais vous savez que nous adultes on n'ose pas poser pourquoi la tortue est rouge, pourquoi on a décidé ça, pourquoi on essaie, et on se dit ben non on va pas les poser parce que quand même ça dans un coin de notre tête, et eux ils les posent. Et Michael Tudoc-Duvitte absolument passionnant, je vous le conseille pour les enfants parce qu'il a très très bien répondu et ils étaient absolument fascinés. Je vous dis pas tout, mais voilà, les enfants étaient passionnés par plein de choses, quels sont les fruits qu'ils mangent à un moment donné ou ce genre de choses, et d'un seul coup avaient vraiment des réflexions qui étaient assez passionnantes. Pareil, alors là je reviens sur ce qui valait l'évolution exceptionnelle du FICAM. Le samedi soir à 21h, il y a les cours complets, donc le programme de la sélection, et allez, 60-70 personnes dans la salle à une époque où on n'en voyait encore que 10 il y a 5 ans. Donc grosse surprise, les gens passionnés par la sélection, votant au prix du public et discutant ensuite. Alors il n'y avait pas de réalisateur lors de cette première séance, mais sortant évidemment et parlant de ce qu'ils venaient de voir. Et 23h, c'était une première pour le FICAM, une masterclass, une classe de maître comme on dit, hein, c'est plus joli, et des projections de courts-métrages de Bill Plimpton. Un plaisir de voir de nouveau Plimpton qui, pour moi, des fois, s'abîme un peu dans des films que je trouve assez peu intéressants, ou en tout cas, voilà, il y a beaucoup de hauts et de bas. Et là, il nous a fait le plaisir de nous montrer quelques petites choses en avant-première, dont déjà des recherches pour son prochain long métrage, alors que son nouveau sort à peine maintenant. Cet homme est complètement fou, il continue tout le temps. Et comme je lui disais, j'ai eu la chance au FICAM de pouvoir présenter certaines de ses classes de maître, hein, et puis par exemple, là, de traduire Bill Plimpton. Et ce que je lui disais, c'est que justement par rapport à David Silverman, au moins lui en indépendant, il nous racontait, hein, cette fameuse histoire qu'un jour, après qu'Urface était nominé, après qu'il a un petit peu de succès, les studios Disney étaient venus le voir et lui avaient fait un gros chèque pour qu'il vienne travailler avec lui. Et il avait dit, ah bah oui, au contraire, j'ai envie depuis des années de travailler avec Disney, avec plaisir, allons-y. Et il a dit, mais je pourrais continuer à faire mes petites bêtises de mon côté. Et les gens de Disney ont fait, oui, bien sûr, mais sauf que ça nous appartient. Ah, mais je pourrais faire, donc si je fais un court-métrage, ah bah ça nous appartient. Et s'est rendu compte que chez Disney, quand vous faites quelque chose, tout leur appartient. Et évidemment, il a préféré garder, pas évidemment, parce qu'il fallait le faire, il a préféré laisser sa liberté, comme il le dit, plutôt que de signer avec Disney. Et comme je lui disais, Plimpton est un monsieur qui est étonnant, et des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas, c'est assez compliqué au niveau de sa pure création, mais à la fois un indépendant aux États-Unis, c'est très très difficile, et tenir contre les gros studio Pixar, Disney, etc. Ça reste un monsieur, on peut lui tirer notre chapeau, même si, parce qu'il n'a pas la chance d'avoir aussi toutes les subventions qu'on peut avoir en France. Je reste persuadé, et j'espère qu'il le fera un jour, qu'il prendra plus de temps pour faire un long métrage et qu'il nous offrira un vrai, vrai beau long métrage comme il se doit, parce que c'est un monsieur de talent, mais voilà. Et une séance, 23h. Pareil, là aussi, 70-80 personnes, à 23h, on a fini à minuit et demi la séance, et c'était assez impressionnant. Le lendemain, dimanche 19 mars, là on commence à avoir du mal à se réveiller, ça commence à être compliqué, parce qu'un festival c'est aussi de rencontrer des gens, donc on reste le soir un petit peu avec les gens, et là on commence vraiment à avoir du mal, et quand le réveil sonne, on se dit non, c'est pas possible. Mais on y va quand même, parce qu'à 10h30, il faut présenter une séance de Rosto. Rosto, c'est l'un des enfants terribles, réalisateur de hollandais. Et pareil, présenter Rosto au FICAM, c'est juste exceptionnel. Ça nous montre à quel point, là aussi, le FICAM a avancé, a évolué, et le public avec lui, et de montrer un cinéma qui est pas évident. La salle est malheureusement pas exceptionnelle au niveau son, donc c'est un musicien aussi, Rosto, donc le son est important. Mais les gens sont restés, pareil, une cinquantaine de personnes au moins, 40-50 personnes, à regarder ces films de Rosto qui sont très un vrai challenge à regarder ces films là et surtout le discours de Rosto absolument passionnant, qui nous expliquait comment il a travaillé, comment il a fait le monstre de Nyx par exemple, avec des petites anecdotes disant qu'il avait commencé ça pour son fils qui avait 6 ans, et à l'époque son fils était absolument fan de son père et il pouvait faire des conférences sur lui, il connaissait tout de son travail, et que ce film qu'il voulait faire court, il a mis 6 ans à le faire, que son fils avait alors 12 ans, et qu'évidemment là le fils adolescent était un peu moins fan de son père, du travail de son père, il n'avait plus cet élan qu'avait qu'il l'avait à 6 ans. Plein d'anecdotes comme ça, mais plein de choses aussi passionnantes sur comment il travaille sur ses rêves, comment il travaille donc à partir de ses rêves, comment il travaille à partir de, comme il le dit à la fin, il trouve que la réalité est une un, un, un quelque chose de pas si évident que ça. Et en fait, on nous dit que ça existe, mais on n'en sait rien du tout. Et donc, cette complexité de la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, un peu à la Philippe K. Dick, hein, cette idée qu'une réalité partielle existe. Enfin, voilà. Tout un discours philosophique, peut-être pas, mais en tout cas très très réflexif sur son cinéma, qui était assez passionnant. Je vous conseille réellement la prochaine fois que Rosto passe dans un festival, de l'écouter, parce qu'il était assez fascinant. On a enchaîné, le temps passe vite, je pensais pas faire une demi-heure, et je me rends compte qu'évidemment j'aurais pas le temps de tout finir, mais on a enchaîné sur Un thé à la menthe avec Xavier Cavatopor, sur ces deux longs métrages, ces deux films, le cinéma d'animation au-delà du réel et cinéma d'animation en 100 films, dont vous avez entendu une interview ici même à Bulle de Rêve, et Benoît Chieux sur la complexité aujourd'hui de l'écriture. Vous savez que j'essaie de faire des tables rondes critiques ici même, et voilà cette idée qu'il faut écrire, que les réalisateurs écrivent, que les critiques écrivent, et il faut qu'on écrive plus sur l'animation, parce que l'écrit est aussi important pour mettre des bases et des socles à un art. 16h, je vous le conseille déjà, d'ores et déjà, Damien Brunner et Thibaut Ruby de Folivari nous ont offert 15 minutes du Grand Méchant Renard et autres contes, réalisé par Benjamin Reiner. On va peut-être fermer la porte, j'ai demandé à Sylvie, merci beaucoup. Réalisé par Benjamin Reiner, un vrai bonheur. Benjamin Reiner se prouve encore une fois, si besoin est, après Ernest et Célestine, qu'il est drôle, qu'il a le sens du rythme. C'est absolument... nous, ce qu'on a vu, le quart d'heure était un pur bonheur. Les voix sont très drôles. Enfin, voilà, encore une réussite de Benjamin Reiner. Ça ne nous surprend pas, mais en tout cas, voilà, c'était un vrai bonheur. J'ai loupé, malheureusement, des fois on est obligé de louper, mais Conte africain, en présence du réalisateur Djilali Beskri, qui est enfin une tentative de long métrage avec plusieurs courts métrages africains, de contes qui viennent de différents pays sur le continent africain. Malheureusement pas vu, je peux pas vous en parler, mais j'espère qu'il passera dans d'autres endroits, et pourquoi pas, j'espère, à Annecy. Le programme Compète 2 avec des choses assez étonnantes, mais je ne vais pas vous détailler tout le programme, les programmes des courts métrages, on n'aurait pas le temps. Et le lendemain, on arrive au lundi. Lundi, là, ça devient quasiment impossible de se réveiller, sauf que il y avait l'un des plus grands réalisateurs au monde, de la Terre entière, qui s'appelle George Schwitzgebel, qui faisait une classe de maître, comme d'habitude avec George Schwitzgebel, absolument passionnante. George Schwitzgebel, pour ceux qui connaissent pas, c'est un réalisateur. Alors, fallait venir au Piaf, hein. On a montré Harkonnen, son dernier, qui a eu le prix du public. C'était vraiment un grand bonheur pour moi qu'il ait le prix du public au festival. Et George Schwitzgebel, c'est le grand maître, notamment de la peinture sur cellulo, des choses comme ça. Et comment vous dire? Faut que vous précipitez-vous. Si vous connaissez pas George Schwitzgebel, vous tapez sur Internet avec YouTube. Maintenant, les copies sont pas géniales, mais évidemment, on peut voir. C'est quelqu'un qui est à la fois dans une logique mathématique, une logique géométrique, on va dire, qui travaille de manière très étonnante au niveau de la préparation de son film, et qui est complètement dans l'organique, presque de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il arrive à mélanger les deux avec des films qui sont des fois très narratifs, des fois non narratifs. C'est un pur bonheur, vraiment, que son cinéma. Et je vous dis, de le voir en classe de maître, ça permet de comprendre aussi la logique avec laquelle il travaille pour arriver à ses films. Moi, je suis toujours perdu à la fin et toujours émerveillé par ce qu'il peut faire. Je suis pas très scientifique non plus, donc peut-être que c'est ça aussi qui me perd un peu, mais c'est vraiment, vraiment exceptionnel. On a enchaîné avec Un thé à la menthe avec Nicolas Schmerkin et Malika Brahmi, qui est une rencontre absolument passionnante d'une bonne heure et demie sur les difficultés de la production et de la distribution indépendante. Malika Brahmi, notamment, ils ont distribué Iqbal. C'est eux qu'on produit aussi, qui est un film qui est sorti, et Nicolas Schmerkin notamment, leur producteur. On dit Logorama évidemment, qui est le plus connu, mais plein d'autres courts-métrages, et c'était assez fascinant de voir cette complexité, voilà, de distribuer les choses. Ensuite, 16h, parce qu'on est tous toujours émerveillés par des petites marionnettes, Claude Brass nous a fait un making-of de Ma vie de courgette. Encore une fois, toujours un côté merveilleux de voir, dès qu'il sort, comme on disait, pour plaisanter, mais c'est vrai. Donc il nous fait le making-of, et puis à un moment donné, il sort les marionnettes, et on disait, bon, ça y est, on n'existe plus. Il y a juste ces marionnettes qui existent, tout le monde prenait des photos, et on pouvait continuer à parler. Tout le monde, à la fin, évidemment, voulait son selfie et sa photo avec Courgette, véritable star, à juste titre, hein. Le film a fait plus de 700 000 entrées, hein, je crois pas dire de bêtises. Très très beau succès pour Ma vie de courgette, succès mérité, hein, d'un film dont on avait évidemment parlé ici aussi. fait déjà une petite parenthèse pour le prochain film, pas une parenthèse, une grande parenthèse pour Ethel et Ernest. J'espère qu'il va sortir bientôt. Film magnifique, je trouve très beau, qui, d'après Raymond Briggs, que vous connaissez peut-être pour When the Wind Blows, ou désolé pour ces titres en anglais, j'ai oublié les titres français, ou Le Père Noël, The Snowman, très connu, un illustrateur anglais surtout. Et là, ça nous raconte l'histoire de ses parents qui ont traversé en fait l'Angleterre, la vie en Angleterre entre le début du XXe siècle et puis 1900, la Seconde Guerre mondiale, voir leur fils décider de faire des études d'art, ce genre de choses. C'est un film bouleversant, tellement bouleversant que ça nous a surpris, mais le jury jeunesse lui a même décerné son grand prix, alors qu'il y avait d'autres films, La Ville Courgette était là, il y avait d'autres films qui auraient pu l'avoir, mais non, ils ont décidé de le donner de manière assez étonnante à Ethel et Ernest, donc que je vous conseille d'ores et déjà. Le mardi, j'arrête de vous dire parce que vous avez compris que de toute façon je ne fais que ça. On ne se réveille plus du tout. Là, ça devient carrément complexe. Et en plus, on se réveille pour malheureusement une journée un peu en dessous de teinte au niveau public, parce que là, tout ce que je vous ai dit, c'était à chaque fois plein, ou en tout cas presque plein. Et malheureusement, peu de gens pour la rétrospective. L'hommage à Mustapha Alassane, décédé il y a 2 ans, et grand pionnier du cinéma africain. La difficulté, de toute façon, que ça soit partout dans le monde entier, hein, de faire des choses sur sur des pionniers, sur de l'histoire. C'est en noir et blanc, c'est des choses qui sont un petit peu passées, donc on se dit c'est fini, c'est vraiment dommage, il faut absolument continuer à aimer et à célébrer ces gens-là. T'es à la menthe avec Lewis Trondheim, auteur de BD évidemment connu, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai fait cette rencontre. J'avais la trouille, vous pouvez même pas imaginer, parce que je connais pas bien la BD. Il a été très gentil. Donc ça s'est très bien passé. Comme on est né dans la même ville, mais je crois que c'était pas pour ça que ça s'est bien passé. Mais ça a été assez passionnant comme rencontre, notamment avec sa femme aussi, Brigitte, dont j'oublie le nom et j'en suis absolument désolé. Ils ont fait les coquelicots d'Irak. C'est bien le titre qui est sorti il y a pas si longtemps, qui raconte sa vie à elle, et qui est elle qui est coloriste, qui est une femme aussi absolument mais passionnante, qui raconte son métier de coloriste. C'est la coloriste attitrée par exemple de Johan Sfar. Donc voilà, c'est quelqu'un d'absolument passionnant. La master classe de maître de Patard et Aubier. Toujours intéressant, c'est les gens de Panique au village. Je l'ai fait très mal, hein, mais absolument étonnant. Triomphe pour la vie en Rosie, qui était Window Horses en français, de Anne-Marie Fleming, film superbe que Beyoud, le directeur de cinéma, donc voulait absolument montrer pendant le festival. Il a bien eu raison, le film a eu un accueil exceptionnel. C'est une jeune femme, c'est sur le problème d'aller dans un autre pays, c'est une jeune femme métisse chinoise et canadienne, européenne, canadienne, qui retourne, qui va en Iran pour un festival de poésie, qui se retrouve là-bas, et son père était iranien, et elle essaye de le retrouver, et le film est bouleversant, elle l'a fait avec très peu d'argent, un vrai petit bijou. J'espère qu'un jour vous aurez l'occasion de le voir. En français, ça s'appelle La Vie en Rosie, d'Anne-Marie Fleming, et pareil, c'est un film que je vous conseille énormément. Je vous passe, hein, là je vous fais mon petit journal à moi. Le nombre de choses qui sont passées, tous les voilà, ces gros mythes, Cigogne et compagnie, enfin voilà. Et pour finir, le dernier jour, bien sûr, Nicolas, tu t'en doutes, on n'aura pas de générique final. Hein, The Work in Progress, Les Hirondelles de Kaboul, par Delphine Nicolini, productrice aux Armateurs et Un homme est mort dans l'après-midi, pareil, où notamment Un homme est mort, et ça a l'air d'être étonnant, film qui a coûté 1,5 million pour la télé, pour Arte, sur les grandes grèves des années 50 en Bretagne. Et il y avait évidemment, moi je vous en parle, j'ai un peu honte, j'oublie le nom du réalisateur, qui était je crois Vautier, ou qui est mort il y a 2 ans, et qui avait fait avoir 20 ans dans Les Aurès. René Vautier, merci beaucoup à Nicolas. Et donc il y avait cette grève, hein, évidemment, où les grévistes voulaient des conditions de travail meilleures et un peu plus d'argent, toujours souvent avec une répression comme ça très dure. Et au moment où la manifestation, l'une des manifestations doit se faire, le préfet décide d'annuler la manifestation, mais trop tard, la manifestation se fait quand même. Un policier tire à un moment donné et tue l'un des manifestants. Et Vautier va aller là-bas, va filmer, et c'est toute la rencontre entre la fois les manifestants qui disent à Vautier, oui mais c'est bien beau, tu fais des images, mais nous là il y a un camarade qui est mort, comment on fait, etc. Il lui dit, mais non, vous allez voir, les images vont être importantes. Et ce film qu'il a fait a été perdu, ce film on l'a jamais retrouvé, et c'est tout ça, c'est comment lui va aller là-bas, va travailler, et en animation ça permet de travailler ce genre de choses, parce que finalement vous imaginez reconstituer tout la Bretagne des années 50, etc., etc., ce serait impossible. Donc on espère qu'Arte va montrer ce film là et qu'il montrera en plus avec des images d'archives et des images qui mettront le combat et cette lutte en vue de tout le monde. Voilà, l'animation, c'est aussi ça, bien évidemment, ça peut aussi permettre de travailler ça. Donc c'est un film qui s'appelle Un homme est mort, et qui est, d'après Davodeau, qui est une bande dessinée à la base et qui est une adaptation d'une bande dessinée. Voilà, je vous précisais pas, puisqu'on a fini aussi avec David Silverman, le créateur des Simpsons, qui évidemment, comme d'habitude, était un peu étrange, et notamment quand je traduisais, jouait du tuba, ce qui n'était pas très respectueux, mais on l'a fait, on a réussi à le faire. Voilà, pour finir donc, pour la minute qui me reste, c'est juste pour vous dire à quel point je dis bravo à Beyoud Mohamed, merci à Aïcha qui est le donateur, le sponsor unique du festival, qui permet de faire ce festival. C'est un festival que moi j'ai eu la chance et le grand plaisir de voir évoluer en 10 ans, et on peut réellement dire qu'en 10 ans, ce que j'espère pour nous, pour le PIAF aussi, et de voir s'il y avait un peu d'argent comme aujourd'hui le FICAM, on a vu non seulement, et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on a vu non seulement des une programmation autre, mais un public changé, et un public qui d'un seul coup qui découvre l'animation et qui vit avec l'animation et qui aujourd'hui a grandi avec l'animation, qui revient et qui va créer, j'en suis persuadé, un cinéma d'animation au Maroc. Et ça, c'est vraiment très très important. Au-delà de l'industrie, même s'ils le veulent, même s'ils l'appellent ça, ils vont créer un cinéma, et ça, on le doit au FICAM. Donc vive les festivals qui permettent non seulement de connaître le cinéma, mais qui permettent d'implanter au fur et à mesure un cinéma d'animation, qui est un cinéma tellement important aujourd'hui, qui peut permettre de faire réfléchir sur tous les mots qu'il y a dans le monde, mais qui peut nous amener dans l'imaginaire, qui peut faire tellement de choses, et qui est un cinéma absolument extraordinaire. Donc, merci encore une fois à tous ces festivals, merci au FICAM, et merci bien sûr et à Sarah et à Beyoud pour leur accueil et pour leur formidable travail pendant ce festival. On se retrouve très très vite. Merci beaucoup à Nicolas qui, comme d'habitude, a jonglé avec mes enregistrements. Je le remercie. Il est 19h, on passe à l'autre émission. À très vite. Bye bye. À bientôt, au revoir.